Cette émission est sponsorisée par HongKongStyle.fr, société de vente en ligne de produits dérivés, toys, goodies et accessoires mobiles dans le monde des comics, films, séries TV, jeux vidéo et mangas. Hong Kong Style. Neuvième podcast de Flashpoint. Alors aujourd'hui nous avons donc un nouveau chroniqueur qui s'appelle donc Guillaume Guigui. Alors Guillaume, vas-y, présente-toi. Bien entendu, voilà, je m'appelle Guillaume et je suis ravi de faire partie de ce groupe. Ouais. Et on est ravi de t'accueillir. Ouais, donc avec Guillaume, il y a toujours comme d'habitude Spectra. Salut. Et Vinch. Salut à tous. Bon, alors donc pour cet épisode donc consacré au mois d'avril, alors bon, il n'y a pas eu énormément d'annonces hein, en fait compte. Il y a beaucoup de reviews ce mois-ci, mais pas énormément de grosses annonces. Donc bon, on va démarrer comme d'habitude avec le cinéma. Donc Guillaume, on te laisse commencer. Bien sûr. Alors tout d'abord, il y a eu le trailer de Dawn of Justice qui a été dévoilé. Voilà, donc. T'en as pensé quoi, toi? Ah, franchement, je trouve que ça envoie. Hein. Après, on verra en temps et en heure parce que c'est dur de se prononcer, mais ça promet quand même quelque chose d'assez fort. Toi, Vinch, t'as été le premier à troller en plus. Qu'est-ce que t'as pas aimé? Oh, mais moi, j'ai vu Star Wars avant, donc devant Dawn of Justice, je me suis un peu endormi, mais sinon, je trouve que c'est beaucoup trop dark, tu vois. Batman est noir, le ciel est noir, c'est trop noir, quoi. Non, je rigole, en fait, c'est juste que j'attends pas spécialement le film, vu que j'avais pas trop aimé Man of Steel, donc j'attends de voir, quoi, parce que moi, Snyder, je suis pas fan, donc. Puis comme j'ai dit, j'avais tellement la hype pour Star Wars que j'étais un peu refroidi, mais ouais, ça a l'air d'en jeter. Maintenant, tout ce délire autour du Superman, je suis pas spécialement fan, j'attends de voir le film, en fait. Je suis pas excité, quoi. Ok. Et Ben Affleck a l'air cool. De quoi? Ben Affleck a l'air cool quand même en Batman. Et toi, Spectra? Bah moi j'ai eu un peu le même syndrome que Vinch. Là du coup j'avais vu le trailer de Star Wars la veille, donc sur le coup j'ai pas réussi à m'émerveiller, mais par contre une semaine après ouais, j'étais bien à fond quand même. Donc ouais, je suis bien chaud. Mais moi comme je m'en fous complètement de Star Wars, donc j'ai vu suite Star Wars, ça m'a rien fait de particulier. Désolé. Et donc j'ai vu celui de Batman Superman, je l'ai trouvé plutôt intéressant. Je pense qu'ils ont voulu faire un premier trailer en mode côté Batman, donc un truc assez sombre. Je pense qu'il y aura sûrement après un trailer côté Superman qui sera beaucoup plus lumineux pour tous les gens qui aiment bien troller parce que soi-disant c'est super sombre et ça fait peur quoi. Mais j'ai trouvé ça pas mal quand même. La statue, les mecs, les militaires qui s'agenouillent devant Superman, j'ai trouvé ça pas mal quoi. D'ailleurs, les militaires, ils ont pas une espèce d'écusson en forme du sigle de Superman où j'ai flashé. Non, non, ils l'ont, ouais. Ah ouais. On n'est pas dans la justice non plus. Hein. Ouais, c'est limite, c'est ça, là. Hein. Bon, on verra après, mais sur le trailer, ça fait penser à ça, quand même. Ouais, ça a l'air pas mal, ça a l'air pas mal. Sinon, mention spéciale pour la VF, qui a l'air de déchirer toute sa race. Ah, la VF, moi, je suis un spécialiste, donc, écoute, après, souvent, alors, faut souvent faire attention, parce que dans les bandes-annonces, c'est pas les vraies voix qu'il y aura dans le film. Tout à fait, ouais. Oh, ben encore eux, c'est quand on voit les voix et quand on voit les expressions, la traduction qu'ils ont faite, elle fait un peu. Ça fait peur, quoi. Je vais même pas regarder en VF. J'ai voulu regarder et tout, mais même la fin et tout, Can you bleed, quand il lui dit tu peux saigner, etc., ben, le traduit en VF, ça donne pas la même chose. Hein. C'est pas. Non, ben parce oui. Que tu saignes, ben, tu vas voir si tu vas saigner, qu'il lui dit. Ben, comme en VO, quoi. Tu voulais qu'il ouais, marche mais quoi. C'est pas vraiment la même traduction. Faut le regarder, mais en plus, la voix, elle est pas du tout pareille et tout. Ah, c'est d'accord, pas. Ok. Moi, j'ai pas Sinon, vu, votre je peux pas. Batman, c'est pas pareil. Mais regarde, tu verras, ça démystifie un peu le truc. Hein. Ah bah je regarderai, ouais. Alors, donc, on va passer sur l'actualité Wonder Woman, donc. Oui, bien sûr. Alors, voilà, on a appris que Michelle McLaren avait été évincée et qu'elle sera remplacée par Patty Jenkins, la réalisatrice notamment de Monster. Vous la connaissez, cette réalisatrice? Alors, pas le moins du monde. Bah, bah, j'avais vu Monster, moi, à l'époque, là, quand c'était sorti, c'était pas trop mal. Après, ça fait. Ouais, enfin, c'est pas du gros blockbuster, quoi, donc Bah, ça va faire apparemment, bizarre. je crois que c'est dans ce film-là qu'il y a une actrice qui a eu un Oscar, là, grâce à elle, je crois. Alors, je sais plus Charlize si c'est une. Theron, Ouais, ça doit être ça, ouais. ouais. Et après, depuis, je crois qu'elle a plus fait de films, elle a peut-être fait des épisodes de séries télé. Mais c'est dommage, je pense que c'est dommage qu'ils aient. Bon, apparemment, ils voulaient qu'elle ait un tigre, non? Il y avait pas un délire comme ça? Non, Bah c'était elle là, qui voulait après, mettre un tigre. Oui, c'est ça, Ouais, ouais. mais ça c'est une rumeur, mais en tout cas, elle avait l'air d'avoir une vision assez ambitieuse pour le film, et eux apparemment seraient plus dans l'optique d'un truc un peu plus optimiste, un peu moins bourrin, donc Ah, moi, ça m'aurait fait kiffer un Wonder Woman en mode Braveheart, là, comme ils avaient dit. bah ouais, grave. Oh, bah, le tigre, quand même, quoi. Bah après moi franchement comme je dis moi je m'en fous, on peut même parler avec un pingouin si le film il est bien voilà, j'en ai rien à foutre de la fidélité moi tant que c'est bien mais bon je pense que je dois être le seul hein. Avec tous les mecs comme toi Vinch là qui sont dans les Tea Party. Moi, c'est juste que je trouvais c'était un peu spécial le concept. Pour moi, ça, le fait c'est de parler avec un pingouin ou qu'il y a un tigre qui la suit dans tout le film, ça affecterait déjà la storyline du film. Ce serait déjà plus pareil, quoi. Je veux dire, le concept, tu vois Wonder Woman qui débarque dans la ville avec un tigre qui la suit, je trouvais Oui, ça un peu mais spécial. il n'y a pas le concept, c'est une idée de base, c'est un personnage, après il l'adapte, donc s'il y a des libertés, ça c'est pas grave Ouais, quoi, tu vois. puis je crois que Justement, hein, pardon, vas-y, vas-y. McLaren, je crois qu'elle voulait même pas l'intégrer dans la ville, hein. Je crois que c'était une époque largement Ouais, c'est antérieure ça. à celle de Dawn of Justice et Une guerre entre Amazon, quoi, un truc normal comme ouais. ça. Ouais, c'est ça. Enfin bon, donc Aquaman. Oui, alors tout à fait. Alors, à ce qui paraît, il y aurait eu James Wan pour réaliser Aquaman et comme Peut-être, hein, scénariste probablement, potentiel. ouais. Jeff Nichols, le scénariste de Mud et Will Bill de Gangster Squad. Bon. Alors, James Wan, c'est celui qui a fait Fast and Furious Oui, 7. et les Insidious 1 et 2. Ouais, c'est ça. Ça, c'est des films d'horreur, apparemment, à petit budget. C'est des bons films, je les ai jamais vus, donc je vais pas te donner Oh, moi d'avis. j'ai vu le 1 qui était pas mal, ouais. Et il a fait aussi le premier Saw, Ouais, celui-là, il était qui lui énorme. était vraiment pour moi le seul vraiment bon film de toute cette saga, hein, parce que on en est à un style de film, mais bon, vu comment c'est parti, voilà. Ils sont allés jusqu'à Saw 6 ou Saw 7, je sais plus, non? 7, mais bon, Saw à part le 6, ouais. premier, le reste, c'est de la violence gratuite. Hein. D'accord. Vous en pensez quoi, les gars? Parce qu'il a fait Fast and Furious 7, vous êtes allé voir au cinéma ou pas encore? Ouais, j'ai vu. Bah, voilà quoi. Fast and Ouais, Furious ok. 7, c'est Furious, mais c'est plus très fast quoi. D'accord. Y a plus aucun rapport avec une bagnole quasi. Non, D'accord. les mecs, ils te font des cascades de fou, ils sautent des avions, ils explosent des trucs et tout, mais. Bah, voilà, c'est du gros blockbuster quoi. D'accord, ok. Et Mud, apparemment, c'est trop bien, je l'ai pas encore vu, Bah, faudrait que je le c'est voie. avec Matthew McConaughey C'est et ça. je l'ai pas vu mais tout le monde dit qu'il est bien donc Tu l'avais vu, Spectra, celui-là? non faut absolument que je le voie Mud après James Wan franchement j'aime pas du tout moi Ah, d'accord. Moi, franchement, pour me faire un avis, là, le dernier truc que j'ai vu de lui, c'était Saw, le premier, donc ça fait longtemps. Et Gangster pareil Squad, j'ai jamais vu, donc aucune idée. pas vu non plus. Ok, bon, on va passer sur Flash. Oui, alors on a appris également que Phil Lord et Chris Miller, les réalisateurs entre autres de Lego Movie et 21 et 22 Jump Street, seraient attachés au scénario du film The Flash, qui sortirait donc en 2018. Ouais, et je crois que c'est eux qui font la série Last Man on Earth, non? Il me semble, oui, je suis plus sûr de ça. Vous avez testé cette série ou pas? Non, pas encore, mais c'est la Pas du tout. prochaine que je vais tester. Franchement, c'est marrant. Bon, ça tourne un peu en rond, mais c'est quand même bien marrant, quoi. Après, j'ai pas vu Lego Movie, j'ai pas vu Ah, Jump Street, donc. Lego Movie, bah la grande aventure Lego, c'est juste un des meilleurs films que j'ai vu en 2014. Vraiment D'accord. très très bon et tout. Pourtant, je suis pas un grand fan de Lego, mais ça m'a bluffé, sincèrement bluffé. Et puis Train 21 et 22, bah ah, c'est de la comédie quoi, c'est un peu comme les Police Academy mais version moderne quoi. Si on D'accord. aime l'humour de Jonah Hill et Channing Tatum, bah voilà quoi, c'est tout. Ouais, ils veulent faire un gros film comique de super-héros, j'ai l'impression, sur Flash. Bah pourquoi pas, parce que Flash c'est un peu de la comédie, hein. Regarde, quand tu regardes la série La Ligue des Justiciers là de 2001 là, enfin entre 2001 et 2006, le Flash c'était plus un comique qu'autre chose, hein. Bah, moi, j'ai peur avec l'humour, en fait. Bon, eux, ils sont pas trop mal, mais après, j'ai peur avec de l'humour très très lourd qu'il y a dans les films Avengers et compagnie, quoi, qui est pas marrant, en fait. C'est juste ça, en fait. C'est pour faire un film de beauf, Ah, ça des fait un peu blagues sur la peur. vitesse, quoi, sur la vitesse et sur Ouais, voilà. ouais, la lenteur, tout ça. Ce qui fait peur, quoi. Ouais, Vinch, un avis là-dessus ou on passe à Suicide Squad? Non, nous pouvons passer à Suicide Squad. Alors, du casting pour Suicide Squad. Alors, ouais, bon, alors là, au niveau Bon courage. prononciation, je pense que je vais en chier. Alors, Adewale Akinwunmi acteur qui a joué dans Oz et qui serait éventuellement pressenti pour jouer King Shark. C'est pas Killer Croc plutôt? Killer Croc, oui, pardon, Ouais, oui, c'est je sais pas ça. ce que j'ai avec King Shark. Scott Eastwood. qui a joué dans Fury, qui est donc le fils de Clint, et qui pourrait jouer lui Scott Trevor. T'es sûr que c'est le fils de Clint Eastwood? Eh ben, il me semble, oui. Ah ouais, bah peut-être, aucune idée, j'avais jamais Et entendu parler. il a carrément la même tronche en plus, D'accord. mais peut-être j'ai dit une grosse connerie en fait. Alex, Non, non, Alex. non, c'est t'as raison, c'est bien ça, je suis en train de vérifier, c'est bien ça. D'accord. Je me disais. Alex Meraz, qui a joué bah, dans une série de films qu'on a adoré, Twilight. Jamais vu. C'est trop culte. Karen Fukuhara, qui elle n'a pas joué dans grand-chose de notable et qui pourrait jouer Plastique. Jim Parak, qu'on a vu dans True Blood, qui lui pourrait être Deathstroke. Ike Barinholtz, qui jouerait peut-être Hugo Strange. Et Adam Beach, qui lui pourrait jouer Raven. Donc beaucoup de peut-être hein, dans Et ce oui, casting. je crois que le seul qui avait été confirmé, c'était le premier là qui a un nom à coucher dehors, non? Lui, il Oui, l'avait confirmé, non? triple A. On va l'appeler triple A parce que ce sera plus simple sinon. Ouais, voilà. Bah lui là, bah, je crois que c'était confirmé, non? Ou pas loin? C'était pas loin. Ouais. Le Mais en fait, reste. ça dépend. Tu regardes sur les sites, des fois c'est vraiment une affirmation et d'autres c'est vraiment Oui, bah peut-être des fois éventuellement. c'est ah il est en lice, ah mais finalement il a pas négocié son contrat, ah bah il a abandonné, ah bah il va être remplacé. Ouais, Là bon, on c'est va encore dire que trop tôt. c'est que des. Rien n'est officiel, quoi, c'est que des Des rumeurs, on va dire. suppositions, candidats potentiels, tout ça. Voilà. Ouais. En tout cas, je retiens que le pauvre Joe Manganiello, là, qui a été retenu à peu près pour tous les films, genre Batman, Man of Steel et compagnie, et qui devait éventuellement faire Deathstroke là-dedans, a encore été évincé. Bon, sinon, Jared Leto en Joker, pas Oh mal, là, il y aura non? beaucoup de choses à dire là-dessus, hein. Ah. Bah, moi, j'ai kiffé. Ah, moi aussi, ouais, j'ai bien aimé, hein. Vinch, t'as pas aimé toi, non? Bon, je suis pas convaincu comme. Ouais, en fait, moi, faut pas trop me parler des films de Snyder, parce que j'aime pas, donc. Et ouais, C'est pas un l'univers film de Snyder. Snyder. Ouais, mais c'est le Snyderverse, c'est l'univers qu'ils prennent, je trouve ça un peu Oh, chelou. tout de Moi, faut suite. que j'aie une action, parce que leurs images et tout promotionnel, ça me. C'est vrai, Ça me Vinch, déniche il une s'est foi. transformé en anti-Snyder, c'est ça? Ouais, je le déteste. Franchement, tous ces films, je les trouve pourris, moi. Donc, le 300, j'ai pas aimé. Watchmen, j'ai Non, pas mais là, aimé. voilà, juste la Voilà. photo, tu vois. Là, Juste on la parle de la photo. La photo, juste photo, ça. parce qu'on parle de la photo en fait. Ça me fait ni chaud ni froid quoi, je m'en fous. D'accord. Moi je trouve c'est classe, enfin nous aussi. Bon, il Ouais. sera pas comme ça, il y aura pas les tatouages, il va pas se balader à poil dans la rue, il sera habillé et tout. C'est juste pour un clin d'œil, mais moi je trouve que la photo elle est classe. Bah déjà, avant celle-ci, il avait fait une autre photo avec l'appareil et tout pour enfin, petite référence à Killing Joke que j'avais bien aimé, parce que moi je suis un inconditionnel d'Alan Moore. Hein. Donc voilà. Toi Spectra, donc t'as emballé? Moi je comprends pas Ah ouais, après. moi j'ai bien aimé là, avec son petit gant violet, j'ai les mêmes à l'hôpital, j'ai trouvé ça sympa. Ok. Toujours Suicide Squad, pareil, du casting Toujours encore. Suicide Squad, ouais, il y en a un paquet. Donc on a eu un petit aperçu de Viola Davis en Waller. Et au niveau du look, elle est carrément proche de la Waller Ah des ouais. comics Preview 52. Franchement, j'ai trouvé ça vraiment cool du coup, parce que j'étais un peu réticent à la base, mais franchement, Ah ouais, j'ai vu bien. une photo hier là, elle a une vieille tête à l'ancienne, quoi, c'est ça, hein? Ils l'ont Ouais, vieilli ouais, et ouais. tout, ouais, c'est exactement ça. Bah c'est mieux quoi. Parce que la bombe fashion Ouais, c'est nous clair. foutit tout, c'est pas terrible. Will Smith en mode pimp sur le tournage de Suicide Squad. Ouais, alors en fait, je sais pas si ça va être son costume, parce que je crois qu'il avait un ancien costume comme ça, non, il y a longtemps. Où il était Ouais, habillé comme ça. je pense que c'est plus un petit easter egg, plus une petite référence, parce que Ouais. là en plus dans la scène il a l'air d'être en famille et tout, donc je pense Ok, pas que le costume un sera petit comme ça. caméo Hein. alors. Ouais. Pardon? Je sais pas. Ensuite, donc, on a aussi aperçu donc Ben Affleck sur le tournage. Ouais, alias Batfleck, donc qui a fait un petit tour sur le tournage de Suicide Squad. Moi, de toute façon, ça me paraît C'est assez logique. inévitable qu'il soit dans le Ouais. film. Hein, Il y a des rumeurs qui disent qu'il pourrait aussi y avoir Joker dans le film Bat Superman. serait pas mal. Ouais. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, après, on a fini avec Suicide Squad. Hein. Du coup, on a eu de brefs nouvelles de Dark Universe qui apparemment serait toujours d'actualité et qui se réaliserait avec ou sans Guillermo del Toro, parce que monsieur est un peu chargé. J'ai même pas vu cette news. Bon, en plus, lui, d'écouter son jeu vidéo, il a été annulé là. Silent Hills. Avec Oui, Kojima. avec Ouais, Norman Reedus là. ouais. Ah ouais. bah, c'est Ouais. annulé à ce qui paraît, donc bon. De quoi? Oui, j'ai vu que c'était annulé aussi, donc. Ouais, il est annulé parce que je crois que Kojima il en embrouille avec ce Konami là. Et du coup, ben, terminé, je crois. Ouais, Kojima Economy là en ce moment, c'est chaud patate. Parce que je crois qu'il s'en va à la fin l'année prochaine. Enfin bref, c'est pas le sujet. Et le film Lego Batman qui sera avancé au 10 février 2017. Voilà, si vous avez des enfants, ou que vous n'avez pas d'enfants, mais que vous voulez quand même aller le voir. Ouais, parce que franchement, le Batman dans le film Lego Movie est quand même vraiment marrant. Donc, Ah, tu l'as vu aussi alors? Ah ouais, je l'ai vu, ouais, j'ai bien Lui. trippé quand Pas vu encore. Hein. Ok, bon ben voilà, le ciné c'est terminé, on va passer au. Non, c'est pas terminé. Ah bon? Il y a encore 2-3 infos. Donc, on a eu un artwork, enfin, Ah oui, c'est officiel qui est vrai. sorti du Batwing. Donc, on peut le voir clairement sur le net maintenant, avec une méga grosse mitrailleuse devant. Il est plutôt stylé, badass, je trouve. Ça fait fort moderne et tout. Il est très stylé. Sinon, on a eu des artworks de Wonder Woman. Donc, on la voit tout en cape, en doré, bleu et tout. Donc, ça circule sur le net avec Gal Gadot. C'est très beau aussi. La même chose pour Batman et Superman. Il y a aussi l'info comique de tous les sites qui sont rués sur une info. Je sais pas si vous avez vu, il y a 3 jours, tout le monde parlait donc de ce que Spectra vient de parler, du costume de Will Smith. Mais donc il y a eu un autre costume en fait qui est apparu un peu Ah après oui. sur le même tournage. Donc tout le monde était en hype total. Oh mon Dieu, c'est le costume de Deadshot, c'est trop de la merde, c'est horrible, j'irai pas voir le film. En fait, le mec c'était juste un adolescent qui s'est déguisé pour essayer d'approcher le casting en se faisant passer pour un acteur. C'est la petite anecdote marrant, et ça me fait bien rire parce que tous les sites ont reporté ça, un truc de ouf là, tu vois. Genre la grosse breaking news, le costume, en fait c'était juste un mec de 16 ans qui se faisait passer pour un acteur. J'avais pas vu la finalité, mais ouais, j'avais vu que c'était des conneries en fait. Ouais, c'est sorti ce matin l'annonce officielle, donc le gars, ils se sont bien foutu de la gueule de la prod, et surtout des sites en fait. De toute façon, les sites américains, ils sont à mort là-dessus. Hein. Dès qu'il y a un truc qui sort, paf, ils envoient, ils vérifient même pas. Et les photos, Voilà, ouais, c'est c'est tout. des photos de promo qui ont été leakées, enfin, qui ont été dévoilées sans que Warner soit d'accord en fait, quoi. Ouais, mais Comme d'hab, là. hein, en ce moment, là. Ouais. Je sais pas si vous avez vu la Wonder Woman, elle est vraiment stylée, je trouve perso son costume, c'est Pourtant, vraiment c'est. pas mal. Même la cape et tout, c'était pas du tout cheap, elle a quand même vachement la classe, quoi. Mais c'est le Snyderverse. Ouais, mais ça, c'est le costumier, c'est pas pareil. Ah, d'accord, ok. Bon, Superman, j'aime pas, mais Batman, son costume, par contre, je trouve qu'enfin, le costume de Batman, ça fait vraiment Batman. Quand on voit les films Nolan, c'était bien et tout, mais je trouve que le Batman, le costume était pas aussi bien stylé que celui de Batfleck. Ouais, il était Je parle kitsch, je pas de trouvais. l'armure. Ouais. Moi, Ouais, j'ai je parle trouvé pas de kitsch. l'armure, mais le costume noir et gris, bah là, je le trouve quand même bien. Ça fait vraiment Batman, quoi. Ah, franchement, ouais, il en voit. Hein. Comme quoi, le gris, tout le monde, beaucoup de gens critiquaient le gris, genre, ouais, non, le gris, ça va être horrible et tout, ça va pas donner du tout, mais là, ça a quand même Ouais, un mais il style faut vachement pas regarder intéressant. les commentaires. Ça, c'est le problème des réseaux sociaux. Tout le monde donne son avis et les gens, ils ont rien à dire. Ça, c'est. Non, sinon, ouais, les costumes, les artworks font donnent quand même bien envie. Je suis pas trop fan de l'armure perso, mais le costume de base est pas mal. L'armure, je trouve que ça fait un peu trop, mais en même temps, pour affronter Superman, il va pas se balader en slip, quoi. Vaut mieux. Ok, Babine, tu vas poursuivre sur les news séries télé. Oui, donc la fameuse série Team-Up de la CW. Donc, on avait un titre qui avait été linké, qui serait été Atom. Ensuite, il y a quelques jours, on a eu un nouveau titre qui serait a priori définitif, qui s'appellerait Legend of Tomorrow. Donc, les légendes de demain. Ce Merci. qui aurait un lien, oui, Merci c'est pour la pour les traduction. non-anglophones. Voilà. Et en plus, ce film, enfin, ce titre fait plutôt référence pour ceux, donc je vais spoiler pour ceux qui n'ont pas vu le dernier épisode de Flash. Donc, T'inquiète. cachez-vous les oreilles. Donc, en gros, T'inquiète. dans le dernier épisode de Flash, Barry et compagnie trouvent le fameux journal de 2025, et dedans, Gideon tease la justice, trois petits points, on devine. Et surtout, dans le journal, on voit le casting donc des gens qui travaillent avec Barry, et donc on peut clairement voir, en fait, c'est le casting de la fameuse team-up, donc Mais j'ai Legend même pas vu of ça, Tomorrow. moi. T'as vu ça Oui, où? il fallait regarder très bien, en fait, quand le journal apparaît, qu'il zoome sur le truc de Iris West Allen, et ben juste en dessous dans l'article, ben tu vois, Flash a affronté le Reverse Flash à l'aide de Green Arrow, donc bien Green Arrow, Hawkgirl, Atom, et il y a encore un nom en dessous, on suppose que c'est Black Canary. Putain, ils font chier à mettre des trucs cachés comme ça. J'ai même pas vu, moi. Moi, j'étais focalisé sur Iris West Allen, quoi. Ouais, non, juste en dessous, c'était le petit truc qu'il fallait pas rater. Ouais, c'est ça. Justement, ça fait référence carrément à la série Team Up. Et donc, Legend of Tomorrow, ça me paraît pas mal comme titre. Donc, les légendes de Moi, je demain. trouve ça dégueulasse comme nom. Ouais, Ouais, je dis pas que c'est beau, hein, mais je dis que ça fait référence à ça. Donc, il y a un lien de causalité. il devrait appeler ça Légende, mais Légende of Tomorrow, c'est dégueulasse. Enfin, c'est comme mon avis. Hein. Ouais, bon, Ouais, maintenant, il y a c'est pire. moche. Hein, Et quand il y tu a vois pire, le mais c'est titre quand même bien de pourri. Titan. Ah, Titan, c'est classe. Ah, le nouveau Non, titre, ouais, on en nouveau parlera titre. après. Ouais. Ouais. Maintenant, ouais, à la limite, ouais, ils auraient pu appeler Légende, mais on verra bien ce que ça veut, la finalité de tout ça, vu que le pilote n'a même pas encore été diffusé, donc Bon, bah ça, que je sache. tu vas en parler après. Ouais. Et après, donc, deux nouveaux membres qui rejoignent Ouais, la donc nouvelle justement, on série. parlait de ça, donc je les ai teasés à l'avance. Donc il y aura Sierra René qui était confirmée dans le rôle de Hawkgirl. donc qui sera donc dans le casting, qui va devenir de Central City apparemment, de Starling City d'après le journal. Donc elle a joué dans, en fait rien du tout cette actrice, elle a seulement joué des seconds rôles, par exemple une victime dans une unité spéciale, sinon elle a vraiment pas de filmographie. Ok, d'accord, donc figurante. Ouais, c'était une figurante en fait, mais sinon voilà, on va voir ce que ça va donner. Elle a bien la tête de la Who Girl maintenant, on va voir son jeu d'actrice. Sinon, il y a eu Arthur Darvill qui était confirmé dans Rip Hunter, donc c'est le fameux voyageur du temps. Tout le monde pense à Booster Gold, mais non, c'est Rip Hunter qui a été casté et qui est intégré dedans. Et donc lui, par contre, il a déjà fait un peu de SF, donc il a joué dans 2 saisons, je crois, de Doctor Who. Et il a rejoué, je ne sais pas quel rôle, dans Le Robin des Bois de Russell Crowe qui est sorti il y a 3-4 ans, je En pense. 2010, oui, très mauvais film. Enfin, moi, Déjà j'ai pas 5 ans. aimé. Moi, j'ai bien aimé. Mais sinon, Enfin, dernièrement, attends, le il mec a joué s'appelle Robin dans... des Bois, il tire à l'arc que deux fois, mais bon, passons. Ah, je me rappelle plus. Mais en tout cas, ouais, il a joué dans Broadchurch aussi. C'était le prêtre ou le curé, là. Oui, juste, c'est vrai. Mais je connais pas du tout la série, donc je l'ai pas citée en fait. Parce que je connaissais pas. C'est bien cette série, non? La saison 1 est très bien, la saison 2 elle est nulle. Enfin, c'est mon Ok. avis, hein, je veux pas imposer mon avis, mais la saison 1 elle était vraiment bien, mais la 2 elle m'a déçu. Et donc pour clôturer donc là-dessus, donc le trailer de cette série devrait sortir à la Upfront de la CW donc courant mai. Donc c'est pour bientôt. Nous aurons peut-être bientôt un aperçu de toute cette superbe série qui devrait sortir bientôt. Ouais, les upfront en fait, c'est toutes les chaînes, elles organisent un truc spécial et puis ils montent des trailers, des pilotes, des séries qui sont en cours de développement en fait. Donc c'est toujours au mois de mai apparemment, si je dis pas de bêtises. Ça se confirme, oui, vu que Supergirl va subir le même sort, mais on en parlera après. Ouais, donc on va passer donc à l'autre série Titan. Oui, donc Titan, tout à fait. Alors, bon, déjà, le titre annonce un peu la couleur, hein, si je puis dire. Et on a annoncé donc que le Season 0 balance que le titre deviendra Blackbird. Ouais, ça, par contre, c'est pourri comme nom aussi. Ah ouais, Oui, c'est encore plus l'oiseau pourri. noir. Titan, C'est c'était très. très bien et tout, mais là, pff, Blackbird. Ah, ouais, c'est. Pas très limpide. Non, on va pas. Ouais. Maintenant, il n'y a que Season 0 qui a teasé les infos, donc faut voir si c'est véridique ou Je sais pas. même pas ce que c'est ça. C'est un site? Je sais pas du tout, ouais, c'est un Moi site non d'infos, plus, je j'ai sais même été pas ce voir que et tout, c'est. mais je pense que c'est encore pire que la Tune Review, là, tu vois. Mais bon, c'est de Ouais. l'info, donc on le dit lui, on sait jamais. Mais maintenant, Ouais, ouais. Enfin, de toute oublier, façon, c'est. Titan, Blackbird, depuis quelques temps, on n'entend plus beaucoup de nouvelles de cette série Titan comparée aux autres, donc je sais même pas où est-ce qu'il en est le projet. Ouais, bon, bah, du coup, on va passer à autre chose, vu qu'on n'a pas pris plus. Et non, Supergirl. Ouais, Supergirl, tout à fait. Alors, il y a une rumeur qui a fait état d'un trailer qui sera diffusé courant mai pour la série lors des Upfronts de CBS. Voilà, donc pareil que l'autre série, quoi. On aura probablement, je crois que c'est vers le 12 mai qu'ils avaient annoncé pour Supergirl. Is possible. Ouais. Et ensuite, pareil, Gotham. Bon, moi j'ai Alors, arrêté, mais bon. pour Gotham, l'info en bois dont tout le monde s'en fout, c'est que Fish Money, elle va changer de look pour la fin de la saison 1 avec un look plus punk. Mais elle était partie, non, de la série, non? Non, non, elle était kidnappée par Dollmaker. Ah, D'accord. ouais, là, en fait, on la reverra pas dans la 2 normalement, mais. Mais il me semblait qu'elle était partie pendant un moment dans la 1. Non, c'est des Non, bêtises. Ah, non, elle est toujours aucun là, épisode. En fait, elle ouais. était chez Dollmaker, tu vois, le psychopathe qui découpe des visages et qui se les fout sur la gueule et tout. Ouais. Mais ils Ouais. savent pas quoi en faire de Fish Mooney dans la Ouais, série, en fait. Elle est tu là, vois. mais Ouais. ils galèrent avec ce personnage-là. Ouais, tu vois clairement qu'ils lui ont signé un contrat d'une saison et là, ils sont un peu dans la merde parce que. Ouais, mais elle est pourrie, elle, de toute façon. Elle supporte pas. Bon, on va finir sur les news télé avec Arrow, donc ça m'a fait trop trop rigoler. Donc Emily Ricard, là, celle qui joue donc Felicity, donc elle va venir à Paris pour la Super-Héros Con les 6 et 7 juin 2015. Donc bon, elle sera pas toute seule, elle sera avec celle qui joue Théa, Arsenal, merde, le pote, Deagle. bien joué, Jiggle et Rick Cosnett. Ah, mais Rick Cosnett, c'est pas le blond, c'est pas Eddie de Flash? C'est qui Rick Cosnett? Un mec, je crois. Ouais, c'est un mec, c'est sûr, mais. Enfin bref, je vous donne les noms anglais, enfin les C'était noms une pas anglais, mais boutade. les noms originaux, parce que je sais plus qui est qui. Donc il y a Willa Holland, Colton Haynes, David Ramsey et Rick Cosnett qui vont venir là. Et donc cette connasse, donc vous pourrez vous faire dédicacer des trucs. Et donc apparemment, ce sera une extra guest. Et donc si vous voulez une photo dédicacée avec elle, ça va vous coûter 60 € et juste un autographe signé, 35 €. Non, extra guest en fait, c'est pas quand les gens ils sont connus et tout, parce que l'autre a marché dans une série, elle a fait quoi? Ils se foutent à poil une fois aussi, Mais pareil. oui, voilà. C'est foutu à poil? Le Ouais, ouais, buzz, mais le c'est. buzz. Tu la vois T'as une loupé fois où le elle est un peu à poil et happening. tout, mais. Putain, j'ai loupé ça alors. Ouais, non, mais c'est irréel intéressant, je le dis direct. Ah, mais elle est plutôt jolie en plus, hein. C'est juste que dans la série, moi, avec Pas son vieux trop. chignon, là, j'ai du mal. Donc voilà, si vous voulez aller casquer pour avoir un autographe de elle, voilà. Non. Ouais, voilà. Putain, même pas tu me le donnes, je le garde. Voilà. Enfin, bon, apparemment, c'est un truc, c'est un concept classique, hein, et c'est pas la seule qui fait ça, il y en a un paquet qui font ça. Oh Bon, non, moi, il y en a plein, je mais. trouve ça malvenu quand même, une C'est dommage. signature, ça prend 3 secondes, 35 euros, nique ta race, quoi. L'appareil Ok. Comics Expo, c'était pareil. Le mec qui faisait R2-D2 et Ah, C3PO, il quelqu'un est demandait. aussi allé à la PCE ici, j'ai entendu. Ouais, moi. Bah c'est cool, on s'est peut-être vu sans s'en rendre compte alors. C'est possible, ouais. Ouais, bah, Ouais. c'était 30 boules aussi ou 20 boules pour un autographe de merde. T'as même pas le droit de faire des photos toi-même, sinon les vigiles t'embarquent. C'est pour ça que j'ai pas pris d'autographe. Putain, c'est abusé. Alors, R2-D2 et C3PO, ils se sont poussés dans le cul, quoi, leurs autographes. Par contre, ici, Oui, on bah s'en bat la ils race peuvent pas de Star supporter de Wars, toute les façon. gars. Faut faire un autre podcast pour ça. Nous, c'est que DC Comics. Ouais, bah nous, on va faire des vrais podcasts Marvel et Marvel Blog. Ah non, ça existe déjà, ça merde. Bande de traîtres. Donc, bon, voilà, un nouveau trailer pour Arkham Knight. Vous l'avez tous vu, j'espère. Spectra? Ouais, oui, bah, je l'ai vu en Bien plus. sûr, bien sûr. Oui, avec Nightwing, avec Robin. Ouais, bien badass, ça défonce bien. J'attends le jeu. Je vais Ouais, peut-être moi même m'acheter la version collector. je connais un qui va se prendre l'édition collector, la console et tout, là, avec la manette et tout. Ouais. Ouais, je pense que je vais faire pareil aussi. Hein. Ah, j'ai Ouais. pas Ah de. bah écoute, fais-le maintenant parce que moi j'ai appelé le jour où c'est sorti l'annonce. Hein. Ouais, mais Et après, ouais. l'annonce est belle. Hein. Ouais. Et après, sinon, le Ouais, trailer, mais j'ai bien aimé c'est du le. premier arrivé, premier servi. Hein. J'ai bien aimé le Robin rasé, là. J'ai trouvé bien classe. Ouais, Tim Drake, il est stylé là quand même. Il est Ouais. bien badass. Puis franchement, la nouvelle fonctionnalité de pouvoir switcher entre Batman, Catwoman, Nightwing et Robin, c'est stylé. J'espère même qu'on aura Red Hood en perso jouable dans la ville parce que. Oh ouais, ça ce serait Ça bon. va être over badass ce jeu. On peut Les switcher entre Cro-Magnon les ils vont se trucs? faire du fric, je sens. On peut Ouais, switcher? C'est ça la vidéo en fait. Tu peux faire des combos et passer de Robin à Batman. j'ai Pas tout pas le temps, mais à un moment, tu vois, tu sais faire venir les deux. Et sûrement en mode libre et tu sauras switcher, genre faire un combo et passer de Batman à Robin ou à Nightwing pour faire des combos plus stylés, tu vois. Ah, j'ai pas dû aller jusqu'au bout alors. Et tu la vois, ils expliquent. En fait, t'as eu le trailer et puis t'as eu des explicatifs qui sont sortis sur le net. Faut des articles là-dessus. Ça doit être ça. Ok. Bon, ben donc voilà. Tout le monde attend ce jeu. Bon, moi j'ai la Play 4, j'ai toujours pas, donc vous me direz, hein, Guillaume et Spectra, si vous Ce sera l'achetez. l'occasion de l'acheter, hein, comme ça Et si tu. vous achetez le fabuleux DLC à 40 euros qui va avec. Ouais, non, mais faut pas non plus déconner, enfin. J'ai vu une pétition sur internet là pour qu'il fasse baisser le prix. Parce que c'est vrai que 40 euros c'est limite le prix du Ouais. jeu, c'est quand même bien abusé quoi. Pour Le un truc qui est. DLC, c'est limite un jeu, ouais, c'est. Bah, le DLC c'est le saison de passe en fait. C'est Ouais. t'as tout. En fait, ce qui est dégueulasse, c'est qu'ils font un collector à 110 euros, je pense, si je dis pas de conneries. Et qu'en plus de ça, bah, tu dois payer à la limite le gars qui achète le jeu de base à 50 euros, il prend le DLC, enfin le DLC, le Season Pass à 40 euros, ça lui revient à 90 euros. Mais le gars qui achète le collector 110 euros plus 40 Oulala, euros, le oui. mec 150 boules à jeu, quoi. C'est un peu. Il Après, pour devrait le voir mettre alors dans le collector. la Season Pass, c'est dans les 20 euros d'habitude, de là 40 euros. Si c'est pour avoir 3 skins et un mode enfin, et 3 cartes défi, ça va Voilà. faire cher quand même. Ouais, à mon avis, Non, ouais, mais faut que ba t'arrives. Batman, l'intérêt, c'est faut attendre l'édition Game of the Year. Hein, si t'arrives à Ouais. être assez patient, là, C'est ça vrai vaut grave le qu'il a coup, pas mais. tort parce que moi je sais que bon avant j'avais pas la PS3 et quand je l'ai eu bah tous les Batman Arkham que j'ai pris c'était carrément que des Game of the Year à part Arkham Origins donc Ouais, je vais faire comme là, je vais prendre la Play 4 quand il y aura la 5 qui va sortir, comme ça j'aurai le jeu à 7 euros et puis voilà quoi, il y aura tout dedans. Ouais mais bon là la PS3 elle est en fin de vie et là la PS4 c'est vrai que c'est bien enfin, de passer au niveau supérieur si je puis dire. Ouais, c'est sûr, si t'as le budget, hein. Si t'as le Bah ouais? budget, c'est cool. Ouais, Ouais. c'est cher Oui. que ça non plus hein, maintenant. Au fait, t'as des bonnes promos. De toute façon, si il sort qu'en septembre, attends Noël ou quoi, t'auras sûrement le pack plus le jeu plus des manettes et tout pour genre 250 euros, 200 euros. Oui, non, mais d'accord, mais après, je veux dire, c'est bien d'avoir la console, mais bon, si après, dès que tu dois acheter un jeu, tu claques 50 ou 60 euros, ça fait mal, quoi, tu vois. Ouais, ça, faut. Bah, de toute façon, si vous allez où chez Micromaniac là, c'est. Micromania. Ouais, je sais, mais j'aime bien dire Micromaniac parce que. Quand je vois vos jeux et tout, je pleure. Je sais pas comment vous faites pour l'acheter des jeux là-bas. C'est 70 boules un jeu. Chez nous, ça va, les magasins, c'est 50 euros, tu vois. Ah, là, c'est quoi, Ah, pour 70, 45 ouais, euros? ça se voit que t'es un Belge, toi. Pour 45 euros, j'ai eu GTA 4, Battlefield 3 et Dead Rising 2. Ah, Ça tu va faisais quand même. en occasion ou en Ah 9? oui, en occasion. Moi, je prends pas de Ah, 9. Dead Rising, je sais pas, il est bien ou pas, parce que je... Ouais, j'ai à peine commencé. Ouais, c'est pas trop mal, quoi. Ouais, c'est pas trop mal. Ok, Bon, d'accord. on va passer aux news comics VF, Oui, Vinch. donc des infos de la page Urban Comics Facebook qui sont toujours de plus en plus radins, plus les mois passent. Donc ils ont Oui. confirmé le tome 3 de Green Arrow prévu pour le dernier trimestre 2015, donc ce sera pour la période entre octobre et décembre. Donc le tome C'est le 2 d'Ed dernier Justice. trimestre, en fait, quoi. Ouais, bah ouais. C'est pour préciser, parce que des fois les gens ont des problèmes avec des trimestres. Je pense à nos lecteurs qui ne connaissent pas tous les trimestres, ça peut arriver. D'accord. Donc le tome 2 d'Ad Justice année 2 est prévu pour donc la fin d'année. Oh Donc ce là sera là. sûrement pour novembre-décembre. Donc ils ont prévenu effectivement, il y aurait La fin plus d'année, de. quoi. Oui, pas chier. Il y aurait plus de délais pour, entre les deux que l'année passée. Et donc le Justice League Dark n'est pas du tout envisagé en librairie parce qu'il est demandé au moins 3 fois par jour sur la page Urban. Maintenant, ils ont arrêté de répondre, puisque je pense que, après avoir dit clairement, il ne sera pas là, il ne sera pas là, donc ce restera une exclue kiosque, jusqu'à, bien sûr, dans 6 mois où ça n'existera plus. Ouais, mais c'est normal ça, qui c'est qui va acheter ça? Bah, dans 6 mois, de toute façon, c'est fini, ça s'est remplacé par Dark Oui, voilà. Universe. Puis, ouais, de Ouais, toute façon, déjà en kiosque, ben, moi, il y a des fans, hein. Moi, j'ai il y a jamais des été trop fans, fan, mais il y a des mais. gens qui kiffent, bon, Ouais, il y a moi, je des le lis fans. parce qu'il est dans la revue, maintenant, c'est sûr qu'il sort en librairie, je vais pas l'acheter. Ouais, c'est ça, c'est que il y a des fans, mais Urban, c'est pas une association caritative. Hein. Faut qu'ils fassent des sous, quoi. Donc, Ah ouais, ils font pas dans le social, eux. déjà, ils publient des trucs qui doivent se vendre à 8 exemplaires, comme Swamp Thing. Ils peuvent pas non plus se faire harakiri, quoi. Something. Je connais pas. Tu connais pas Swamp Thing? Si, je connais, mais Si, j'aime pas la trop. chose du mari. Si, je Apparemment, connais, je c'est connais. excellent en plus, hein. Mais voilà, ça, c'est des Ouais, mais trucs. j'ai acheté le numéro 1, j'ai pas Alan Moore kiffé. encore. Enfin, plus maintenant, mais c'est lui qui. Et Ouais, puis à donc. l'époque, hein. Ouais. Ah, c'est bon. Ok, donc on va continuer avec les sorties du mois de mai d'Urban. Bien sûr. Alors, pour les sorties du mois de mai, on a tout d'abord Geoff Jones présente Green Lantern tome 6, Rage of Red Lantern. Il faut acheter. Bah, je l'ai feuilleté un peu. Il est pas sorti encore. C'est. Ouais. C'est Ah, chaud, quoi. j'ai peut-être dû confondre alors. Ah, Le tome sûrement, ouais. 0, T'es toi, à mon avis. sûr? Ouais, il est pas sorti vu que on est C'est le tome 0 qui est sorti. le 2 Le mai. tome 0. Oui, j'ai confondu avec le tome 0, ouais, sans doute. Ça doit être ça, ouais. Mais bon, la preview était pas mal sur le site, donc bon. Ouais. Voilà. Ensuite, il y a Infinity Crisis tome 3. Ouais. Flash tome 2. Faut acheter Ouais. aussi. Bah oui, moi j'ai le tome 1, il était pas mal. Bon, Le 2 est beaucoup là. mieux. Ouais, plus Pour ça le dire à avance, tous et les mieux c'est en lecteurs, fait. le 2 est beaucoup mieux que le 1. Ah oui. Achetez-le, n'hésitez pas, le 1 était à chier comparé au 2. Ouais, plus Oui, ça c'est passe, vrai mieux que c'est. j'ai des trucs, j'ai pas tout compris. Enfin, quand on voit Captain Cold et tout, là, je. Ouais, J'ai pas vas-y, beaucoup. continue le planning. Spécialement. Batman Eternal tome 2. Wonder Woman tome 5. Batman Beyond tome 1. Ça. J'espère On qu'il sera bon. précise, ça découle de la série télévisée, donc rien à voir avec Future Ends qui va sortir plus ou moins au même moment, on précise Ah pour les oui. lecteurs. Ah oui. Donc, vas-y, continue. Et la résurrection de Ra's al Ghul. Ouais, et Nightwing tome Et 5. bien sûr, Nightwing tome 5. Alors en fait, c'est un gros mois quand même, parce que donc Geoff Jones, c'est la suite du run de Geoff Jones qui était excellent. Infinite Crisis tome 3, je pense que ça a conseillé, parce que bah, le 2, j'ai pas du tout aimé, mais bon, je pense que vu que ça va repartir sur les personnages principaux, ça pourrait être vraiment pas mal. Après, comme on disait, hein, Flash tome 2, ça s'améliore. Batman Eternal, bah, ceux qui ont aimé le 1, ils vont continuer d'acheter le 2. Et après, le reste, aucune idée, parce que Wonder Ouais, Woman, non. Show tome 2, et les autres, je compte pas les acheter. Ben ouais, ben en fait, j'ai fait la liste moi, quand je t'ai fait la liste écrite, là, c'était spécialement dans ce qu'il faut acheter et ce qu'il faut pas acheter. Donc, Geoff Jones, faut acheter parce que ça déchire. En plus, c'est vraiment Jones, c'est au top là-dessus. Infinity Crisis, comme t'as dit, ben, c'est la suite, c'est bien. Flash 2, c'est beaucoup mieux. Eternal, c'est pas mal, surtout en librairie. Wonder Woman, c'est intéressant. Batman Beyond, ça, c'est les slips, surtout si vous avez aimé la série des années Bah, 90. Après, la forcément. raison, Ra's al Ghul. Il paraît que c'est pourri, j'ai jamais lu. Et Nightwing, je vous conseille de pas l'acheter, Ah sauf si bon? évidemment vous voulez terminer le run et que vous êtes Bah, vraiment, vous bien kiffez vraiment le sûr, moi j'ai les personnage. quatre premiers et tout, ça fait depuis 2012 que je la suis cette série, donc je me vois mal abandonner comme ça. Ouais, perso, je vais terminer pour compléter ma bibliothèque, mais quand on Bah, voit le moi tome 4 qui était pareil. à chier et le 5, je sais ce qu'il y a dedans, parce que j'ai un peu feuilleté la VO là-dessus, et on est content que ça se termine en fait. Ouais, Nightwing Ah, c'est le après. dernier celui-là? Ouais, après ça va changer, ça viendra à Grayson. Ah, d'accord. Ouais, Nightwing Le 1 était bien, le 2 était pas mal, après moi j'ai laissé tomber. Enfin, j'ai lu, mais ouais, il y avait rien d'extraordinaire, quoi. Enfin, personnellement, ça m'a pas troué le cul, quoi. Bon, Ouais, alors moi non plus, ouais. Pas persévéré. on va passer aux News Comics VO. Donc on va avoir une nouvelle mini-série en 6 qui va s'appeler Batman Arkham Genesis pour le 29 juillet. Donc dedans ils vont nous raconter les origines du Arkham Knight. Donc ce sera scénarisé par Peter G. Thomasi, qui bosse actuellement, je crois, sur la série Batman Arkham Knight classique. Ouais. Et au dessin, ce sera Alison Borges, ou Borges, connais pas, je sais pas ce que ça vaut. Il y a ça. Ensuite, on a une autre série Digital First, donc c'est les séries disponibles sur Internet. Donc Justice League Golden Monster annoncé pour juillet, donc ce sera une sorte de préquel au futur film annoncé là. Voilà. Après, on a donc deux autres séries Dark Universe et Mystic You, donc qui devaient sortir là. Enfin, ils n'avaient pas dit au mois de juin, mais bon, dans ces eaux-là, bah, apparemment, c'est prévu pour plus tard dans l'année. Voilà, et après la grosse annonce surtout c'était le Dark Knight Trump 3 de The Master Race, donc scénarisé par Frank Miller et Brian Azzarello. Ce sera une série, une mini en 8 qui sortira deux fois par mois à partir d'automne 2015. Donc Dark Knight 3, ça vous. Ouais, je vais me prendre direct. Même si j'ai pas trop aimé The Dark Knight Strikes Again, celui-là, je pense que je vais y aller, quoi. Brian Azzarello, en général, c'est plutôt gage de qualité, donc. Et apparemment, c'est plus lui qui va écrire quoi. Miller, il serait juste là pour dire que c'est du Miller quoi. Voilà. Et ouais. Ouais, on verra moi pour moi personnellement. Vince, Guillaume, vous ça vous tente ça? Ouais, ça me tente. Ouais. Maintenant, j'aimerais juste dire un seul truc à tous les haters de Miller, parce que moi, j'en suis le premier, mais bon, tout le monde lui a chié, tu lui as géré l'histoire en disant jamais plus on ne lira un de ses récits. À peine il annonce Dark Knight 3, ben, tout le monde se branle dessus, alors que quand on voit ce qu'il a fait avant. Maintenant, je suis rassuré, parce que c'est Brian Azzarello qui est dessus, et comme on a dit, c'est lui apparemment qui aura la main, donc je peux me rassurer. Maintenant, pour moi, ça fait vachement fan service quand même. C'est vraiment pour les films, à mon avis, qui sortent le truc. Oui, je pense aussi. Ouais, pour moi, c'est ça drôle de causalité, quoi. Le film ressemble fort, a vachement été inspiré du run de Miller, et là il sortait à Dark Knight 3 pour faire du fric à crever. Maintenant j'espère qu'il sera bien, parce que s'ils nous font un truc comme Dark Knight Rise Again machin là, J'ai pas le lu truc que celui-là. je lis J'ai chez lu le moi, premier, j'ai moi, vu je la crois. moitié, mes yeux ont brûlé quoi, tu vois. Eh ouais, mais enfin, tu vois, je préfère cette démarche-là, à la limite de sortir un récit hors continuité qui accompagne la sortie du film plutôt que les éléments du film se répercutent dans les comics, Ouais, ça j'ai horreur. Maintenant, dans j'espère la juste que le truc continuité, serait quoi. intéressant, quoi. J'espère juste que ça va pas gâcher, qu'ils vont juste pas sortir un truc pour faire du fric pour les films. Maintenant, j'espère un truc de qualité. Non, Non, mais c'est sûr apparemment, il y que. a. Bon, je te dis, Frank Miller, c'est style une sorte de label. Label pour que les gens les achètent, quoi. Un truc qui fait vendre. Mais après, c'est Brian Azzarello. Et Brian Azzarello, apparemment, il aurait écrit un des meilleurs Batman. Flashpoint Batman, là, que c'est lui qui l'avait écrit. Apparemment, c'était excellent, Ouais, quoi. ouais. Donc, Ah, moi, mais je l'ai pas lu, personnellement. hein. Mais Maintenant, apparemment, c'était top. je suis Pardon? plus tenté par Azzarello que par Miller quand tu vois ce qu'il a fait sur Strike Again. Ouais, Tu te dis, le mec, c'était un ouais, bah psychopathe, oui. quoi. Et après, donc pour finir, Green Arrow, ben, on avait dit qu'on savait pas trop si c'était relaunché. Bon, ben, je pense que non, hein, vu qu'en juillet, il y aura un numéro 42. Donc, ils avaient dit qu'il y aurait un numéro 41 en juin et qu'en juillet, ils savaient pas. Mais bon, je pense que c'est bon, ça va pas être relaunché. Tant mieux qu'il relaunch pas parce que le relaunch, j'aime pas. Ouais, ça fait chier dans la collection, ouais, c'est clair. Ouais, surtout. Puis voilà. Bah voilà. Ok. On va passer donc au review film, on en a un pour une fois, donc c'est le nouvel animé Batman vs Robin. Donc Vince, tu l'as vu? Et oui, je l'ai vu. Donc, je l'ai vu en VO sous-titré. C'était pour la formation. Donc, j'ai bien aimé. J'ai trouvé ça plus libre d'interprétation que les précédents. Donc, l'animation un peu un cran au-dessus, un peu moins manga que Sons of Batman. Maintenant, l'histoire, elle casse pas trois pattes à un canard, donc Oui. ça reste du fort basique, quoi. C'est vraiment fort allégé, mais tout s'imbrique bien. Le truc passe facile, on passe un bon moment. Maintenant, c'est vrai que j'aurais préféré, franchement, un anime en deux parties pour plus développer la cour des hiboux, qui est vraiment une histoire de fond comparée à ce qu'elle était dans le run de Snyder. Maintenant, ouais, le truc se base vraiment sur la rivalité entre Batman et Robin, mais moi j'ai bien aimé. Je trouvais que c'était un bon animé, ça se laisse regarder. C'est mon animé préféré pour le moment dans tout ce qui est sorti, à part Flashpoint, bien sûr, qui est un C'est ton peu. meilleur animé celui-là? Bah, ouais, parce Je. que franchement, d'abord j'ai Flashpoint en premier, parce que j'ai vraiment bien kiffé, mais sinon. Oui. Un Flashpoint, novembre 2013, mais enfin. Ouais, mais quand tu vois le truc là, Justice War, c'était encore plus merdique Ah que non, X pour oui, moi. je suis d'accord. War, c'était. Throne of Atlantis aussi, en fait, j'ai bien aimé. Mais Sons of Batman, j'ai pas du tout kiffé. Donc, ouais, il est dans mon top 3, on Son va of dire. Batman, non, non, c'est pas la peine. Dans mon top 3, on va dire. Ouais, j'hésite, mais. Ouais, c'était pas mal, mais c'était pas non plus transcendant, quoi, comme histoire à Batman vs Robin, ça se laisse regarder. Je veux dire, au jour d'aujourd'hui, c'est pas mal pour un animé. Moi, j'ai trouvé que c'était un bon divertissement. Bon, c'est pas le meilleur. Moi, pour moi, le meilleur pour l'instant dans la nouvelle phase, ce serait Throne of Atlantis et Flashpoint. Ah, ouais. Celui-là, ouais, c'était un bon divertissement, mais bon, voilà, toujours pareil, du Batman, du Batman, du Batman. Bah, ça me fait chier, quoi. Donc, je l'ai Je vu, vois, c'était mais ça cool. c'est en fait ça c'est propre à DC, tu sais, hein. Non, c'est pas propre à DC, c'est propre aux cons qui font que d'acheter du Batman et qui achètent rien d'autre, quoi. Oui, Donc, mais comme tu les gens. sais, DC, je t'explique, pendant longtemps ils ont eu du retard parce que c'était surtout Batman et Superman et les autres on les met de côté. Et c'est que depuis quelques années qu'ils essayent enfin de relever le niveau, quoi. Ouais, mais c'est parce que les Bon. gens ils achètent toujours du Batman. Si les gens ils achetaient autre chose, ils proposeraient autre Parce chose. qu'ils mettent que lui en avant. Les autres, ça fait pas longtemps là qu'ils ont essayé Oui, mais ils de. mettent que lui en avant parce que les autres, les gens ils sont pas intéressés par les autres. Ouais, parce que surtout, il y en a qui sont pas très connus. Maintenant, c'est différent, mais à l'époque, voilà. Parce que Batman est trop dark. Non, mais voilà, après, je veux dire, sans forcément le mettre en avant, il y a toujours eu des séries d'autres personnages. Il y a toujours eu des séries Aquaman, Wonder Woman, Flash. Les gens n'achètent pas, les gens ils achètent que du Batman. Donc, eux, comme ils, qu'est-ce Les qu'ils gens, ils font? connaissent Ben, pas. ils proposent que du Batman, quoi. Eh oui. C'est logique. Mais bon, c'est vrai que ça fait chier, quoi. Batman, Ouais. c'est la vie. Surtout que, ben ouais, Son of Batman, c'était déjà un Batman et Robin. Là, on en chope un deuxième. Ouais. Bon, on va passer aux reviews série télé, donc avec Gotham. Vas-y, Spectra. Eh ben, donc la reprise de Gotham, que j'ai trouvé fort sympathique. Du coup, ils ont abandonné le format Freak of the Week, donc on a pu avoir un ennemi sur 3 épisodes. C'était plutôt sympa. Moi, enfin, franchement, Gotham, j'apprécie toujours autant cette série. Après, comme je le disais tout à l'heure, on voit que Fishmi, ils galèrent, ils savent pas quoi en foutre. Et là, on part sur un futur statu quo qui est assez intéressant, une bonne petite guerre de gang. Donc voilà, je vais attendre énormément de la saison 2 là. J'espère qu'une série comme Daredevil aura une influence un peu positive sur Gotham, parce que peuvent se permettre des trucs un peu violents, un peu plus dark. Donc Mais c'est un rebelle niveau depuis la pause de mi-saison ou c'est toujours pareil? je pense que non, ça reste dans la continuité de ce qui a été fait depuis le début, hein. Sauf que tu as moins D'accord. de Fish Mooney quand même. Et t'as toujours de Bruce Wayne à la maison? Oui, t'as toujours le trip des enfants. Ouais. D'accord. Non mais je veux dire, il est toujours en train de tourner en rond dans son Non, non, salon. non, il sort, il enquête. Tu vois des persos, tu Ça vois passe d'autres des gens, persos du tout ça. Batverse. Là, on a croisé Lucius Fox il n'y a pas longtemps. D'accord. Il va au Et bal, tout ça. il découvre la vie, tout ça, ses enchantements, ses Il est chaud, déceptions. Catwoman. Ah, il fait chaud, hein. Toi, tu suis Guillaume, cette série? Un petit peu, j'ai vu des fois de temps en temps, mais bon, je sais pas, je suis pas non plus un gros fan. D'accord. Bon, on va passer à Arrow. Arrow, bon ben, donc, depuis que ça a repris. Il y a eu encore une pause d'un mois, ça a repris, donc là ça va vers la fin, il reste quoi? Deux épisodes je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc je vais spoiler un peu si vous n'avez pas suivi jusque-là malheureusement. Donc T'inquiète. voilà, bon bah, ce qu'ils voulaient faire c'est que donc Arrow soit le nouveau Ra's al Ghul, donc bon bah là ça y est enfin on y est, ils sont arrivés à cette étape-là. Et donc là dans le dernier épisode, donc il s'est fait faire en quelque sorte une sorte de lavage de cerveau, on va dire psychique, mental par Ra's al Ghul, et donc il est devenu le nouveau Ra's al Ghul en quelque sorte quoi. Donc, franchement, bon, comme j'avais déjà dit, les idées sont bonnes, mais c'est la façon de les amener, quoi. C'est, je sais pas, c'est super maladroit, super forcé. C'est dommage qu'ils améliorent pas ça, parce que sinon, l'idée de base, elle est plutôt cool, quoi. Mais voilà, le problème, c'est tous les personnages autour, comment c'est monté. Je trouve que c'est, je sais pas, c'est super bancal comme truc. Je trouve ça super bancal. Voilà, après en plus de ça, Felicity, bon bah je peux vraiment plus la voir, c'est Elle terminé chiale quoi, trop. elle me fait trop chier quoi, ouais voilà. Autant Laurel, je trouve qu'elle a évolué, elle s'est améliorée, Felicity toujours pareil, elle a toujours 2-3 répliques, toujours les mêmes. Ouais voilà quoi, il y a un personnage qui est parti, on va pas vous dire qui c'est, mais il y a un personnage qui a quitté la série, voilà. C'est pas mal, mais franchement voilà, ça pourrait être vraiment vraiment vraiment mieux quoi, s'ils faisaient un effort sur l'écriture. Toi Vin, je t'ai arrêté non? Non tu Non, continues quand même? je suis chaque semaine, je vomis dessus, j'adore ça, je suis un gros hâteur. Non, j'rigole, enfin je le suis parce que je le suis depuis la saison 1, mais chaque semaine je suis déçu parce que genre je vois une connasse qui chiale à la longueur de journée. Sinon ouais, comme tu dis, c'est ils ont des bonnes idées, maintenant ils ont du mal à les amener. Le dernier épisode j'ai plus apprécié perso, à part qu'on voit Felicity, je pense qu'on l'a vu 6 fois, et sur les 6 scènes qu'elle a fait, pendant 5 scènes elle chialait, donc c'était vraiment très chiant. Sinon, ouais, je trouve que ça devient un peu plus intéressant et tout. Maintenant, ils ont des idées, mais quand ils les concrétisent, des fois, tu te dis, putain, ils auraient pu faire ça autrement, quoi. Par Maintenant, contre, j'ai vraiment hâte de voir la fin de la saison. On va ce qu'on va faire. un truc qui est raté de toute la saison, par contre, c'est les flashbacks, quoi. Autant la saison 2 et Ah la ouais, saison 1, surtout je les passe carrément. la saison 2, c'était excellent, la saison 1, c'était pas mal. Ou l'inverse, je me rappelle plus, mais bon, c'était cool. Mais là, la saison 3, les flashbacks, ils servent absolument à rien, quoi. Surtout Là. qu'en fait, la finalité du flashback, c'est de savoir que Akio il meurt, mais ça tu t'en doutes vu qu'à partir du troisième épisode de la saison 3, eh ben tu vois que l'autre il a perdu son enfant et c'est pour ça qu'il est à la Ligue des Assassins, donc tu t'en doutes quoi. Et en Ouais, fait, ça a servi qu'à ça. j'allais pas spoiler ça en fait. Non, j'allais dire le truc qui se passe à la fin de l'épisode quand Ra's al Ghul il remet un truc à Arrow. Ah ouais, ça aussi, ouais. Ça, c'est la finalité de tout le truc, mais c'est. Il y a tellement rien eu, ils ont tellement tourné en rond à Hong Kong pour rien, dans le même marché en permanence, avec. Ce qui fait que voilà, le truc de fin, voilà, il est pas assez puissant comparé à un Deathstroke, quoi. Le fil conducteur avec la saison sur Deathstroke, c'était énorme sur l'île. Là, cette saison, je trouve que c'est complètement gâché, quoi. La saison 3, franchement, c'est une grosse déception par rapport à la 2, quoi. Autant la 1, elle était pas terrible, elle était moyenne, mais par rapport à la 2, ça fait pas le figure. D'ailleurs, la saison 1 est disponible en intégralité sur Netflix. Ouais. Pour les gens qui ne l'auraient pas vu et qui auraient Netflix, c'est le moment de la découvrir. Ok, on va passer à Flash. Oui, donc Flash, ça a donc a repris depuis en même temps qu'Arrow. Donc maintenant, c'est très très bien. Donc on a de moins en moins des Freak of the Week. On n'a plus beaucoup de. Mais si on en a, ils sont utilisés à bon escient. Donc c'est ça Ouais. qui est pas mal. Donc franchement, la série maintenant, elle a décollé, mais carrément, on est totalement dans l'intrigue du Wells. Donc là, je vais spoiler à mort, bouchez-vous les oreilles et tout. Donc maintenant, il y a un procédé qu'on ne connaît pas encore très bien. Cisco a réussi à avoir des visions de sa mort antérieure, donc de l'autre réalité. Là-dessus, ils ont réussi donc à démasquer Wells. Donc, ils savent que Wells est Ebo Harton. Ils savent que Wells veut tuer Barry. Donc, ils savent tout. Bon, évidemment, Wells, il n'est pas con du tout, enfin, Ebo Harton. Il n'est pas con du tout. Donc, il les a carrément bluffés au dernier épisode. Ce qui remarque un peu de la mise en chaire. De la mise en chaire. Mais c'est vraiment, franchement, la série, elle décolle totalement. Tout est bien utilisé. Tout est bien ficelé. Franchement, Après, j'ai un kiff total quand je la mate, quoi. je suis pas d'accord. Là, ça fait cette semaine, c'est bien reparti comme il faut, mais depuis la pause là, qui a duré un mois, les deux épisodes qui ont suivi, il y avait rien d'extraordinaire, quoi. Moi j'ai trouvé ça intéressant là, par exemple l'épisode de la semaine passée c'était intéressant parce que déjà on a eu le métamorphe qui a servi pour cette saison cet épisode-ci puis c'était bien foutu surtout quand tu as vu les trailers parce que tu vois les gens comme toi qui veulent pas mater les trailers qui ont peur de se faire spoiler tu devrais parce que la CW ils sont très malins avec le spoiler donc tu vois en fait le moment où le faux Eddie tue les flics mais ils avaient fait une super mise en scène dans les trailers où en gros ils t'annonçaient que Eddie était le Reverse Flash tu vois donc tout le Ouh monde là avait ouais. là. Là, ils nous ont dit, c'était bien fait parce que au moment où on savait pas encore, tu disais, oh putain, en fait, c'est quand même Eddie. Et en fait, t'as remarqué qu'ils nous ont bien bluffé. Donc, tous les trucs qu'ils ont embriqués dans les trailers, tout s'est pas passé du tout comme il fallait. Puis, j'ai trouvé ça intéressant, l'enquête à Central City, le petit clin d'œil, non, à Central City, à Starling City, le petit clin d'œil avec Black Canary, le truc que Cisco fabrique pour elle, l'enquête avec le flic, le fait qu'il du coup, je trouve que l'enquête, elle a quand même progressé. Ouais, mais Puis, le c'est Freak mou, of c'est the mou, Week était pas pourri, quoi. c'est mou, quoi. Je veux dire, le personnage métamorphe, il sert un peu dans le dernier, mais bon, à part ça, ça fait pas développer l'intrigue, quoi. Il y a deux, trois petites touches, mais c'est pas comparable au dernier épisode, tu vois ce que je veux dire? Oui, bon, en même Ouais, temps, puis. une série de 23 épisodes, tu saurais pas boucler l'intrigue, ou alors t'as des gros Eh oui, problèmes. non, mais ça, c'est le Je trouve problème qu'il y a du. quand même beaucoup mieux, quoi, tu vois. L'intrigue, tu te fais pas chier. Dans Arrow, Oui, il tourne c'est en sûr. rond. Non, mais après, voilà, c'est le problème du format, mais c'est vrai que Flash, là, le dernier, il est vraiment bien, mais c'est le problème des formats, et de moment, il comble, quoi. Même si, quand même, quand il comble, ils arrivent à faire tenir l'intrigue principale un peu, à la développer un peu, chose qu'ils n'arrivent pas à faire dans Arrow. Moi, je me fais pas chier, je veux dire, devant le Freak of the Week ou le truc du moment, je me fais pas trop chier. Je trouve que c'est intéressant, surtout que t'es encore dans la phase d'apprentissage qui est pas du tout maladroite de Barry, tu vois, comparé à Arrow quand il tuait des gens pour rien. Maintenant, c'est sûr que le problème à l'avenir, je pense que dans les saisons à venir, j'espère qu'ils vont trouver un moyen de corriger ça, c'est que même Flash, je pense que à 2-3 saisons, quand t'arriveras à 24 épisodes par saison, quand t'as répudié tous les méchants, ça va devenir un peu redondant, quoi. Ça sera à Ouais, voir. parce que t'avais un épisode quand même qui était assez horrible, à l'autre avec ses abeilles miniatures Ouais, là. ça c'était Ouais, ça voilà. c'était à chier, mais c'était avant la pause, ça, non? Merci. Non, non, c'était pas Ah avant merde. la pause, hein. C'était le Mais j'ai premier. dit une connerie, il y avait les abeilles, surtout, et ça, cet épisode était très moyen, surtout que c'était un peu débile. Chaque fois que Barry voyait une abeille, il bougeait plus. Le mec, il est le plus rapide du monde, mais il voit des abeilles, il ne bouge plus. Le gars va moins vite qu'une abeille. Tu te dis, le gars voyage dans le temps avec le, mais l'abeille, elle pas. C'est pas Là. comprendre. C'était le bug. Ok. Il a pas vu B-Movie, c'est pour ça. Ok, toi tu suis Flash, Guillaume? Vite fait des fois, mais bon, comme ça, hein, pas. Je suis pas non plus le gros fanboy de base, hein. Ah, d'accord, ok. Ok, bon, on va poursuivre sur les reviews, donc Comics VF avec Gotham Central, tome 3, Vinch. Oui, donc nous sommes au troisième tome sur quatre de cette fabuleuse, magnifique, génialissime série, du Batman sans Batman. Donc le tome 3 fait 296 pages. Donc cette fois-ci, donc on se concentre toujours sur les affaires internes. L'histoire est toujours aussi bien faite, les dessins, je kiffe toujours autant. Franchement, c'est toujours un plaisir de lire cette histoire-là. Donc c'est dans la ligne des deux premiers tomes qu'on avait déjà chroniqué ici. C'est toujours du Greg Rucka, donc c'est les dessins, c'est Michael Lark. Franchement, l'histoire, je kiffe. T'as pas des super. Dans ce tome-ci, par contre, t'as pas beaucoup de super vilains comparé à ce qu'il y avait avant. T'as 3 ou 4 enquêtes différentes, ça suit pas mal. Il y a quand même un arc avec Catwoman. Mais sinon, franchement, les enquêtes, c'est vraiment du point de vue de la police. T'as pas du tout Batman. Tu le vois peut-être une fois ou deux où t'entends parler. Par exemple, dans ce tome 3, ça se passe au moment. En fait, ça se passe juste après. Ça fait référence aux comics dont je ne connais pas le nom. Mais en gros, Batman avait pété les plombs dans la série mère. Il avait décidé de faire de la police son armée privée. Donc là-dessus, le nouveau commissaire, qui n'est plus donc Gordon, n'avait pas trop apprécié. Donc il a détruit le Bat-Signal et maintenant Batman est prohibé. Donc on le voit encore moins, ce qui est pas mal du tout. D'accord. Ouais, c'est vraiment une enquête sur fond de polar. Franchement, si vous aimez les enquêtes policières, si vous aimez la Gotham Noire et tout, bah, franchement, foncez, prenez les 3 premiers tomes et celui-là. Et donc le 4e tome sortira en juillet 2015 pour clôturer cette fabuleuse série. C'est quel trimestre, ça? Non, je rigole, je rigole. Ok, bon, bah, celui-là, ouais, de toute façon, tout le monde le conseille, il faudra que je le fasse un de ces quatre. On va passer à Earth 2, tome 1, donc James Robinson au scénario et Nicolas Scott au dessin. Tout à fait. Bah, franchement, ouais, c'est pas mal. On est encore une fois dans tout ce qui est le monde parallèle, l'univers, tout ça. Bon, le scénario, bah voilà, ça reprend un peu l'attaque de Deathstroke sur Terre. Darkseid, Ouais. ouais. En fait, donc ouais, c'est ça, c'est Darkseid qui attaque la Terre, et donc il y a la Trinity de cette Terre-là qui va se battre contre Darkseid, ils vont tous crever. C'est ça, tout à Ça, fait. c'est le numéro 1, le truc qui est Pour beaucoup plus. pour Oui, bien sûr. raconter pour raconter un peu l'histoire, ouais. Et donc après, voilà, donc ça va se retrouver un peu plus tard, et donc il y a une nouvelle menace, Darkseid à nouveau qui va réattaquer. Non, c'est pas du tout ça, c'est Grundy. Qu'est-ce qu'il dit? C'est le tome 3, 2, ça, le Darkseid. Et c'est pas Darkseid, c'est Steppenwolf, en fait, c'est son général. Donc dans le tome 1, on a Grundy, en fait, vous voyez Solomon Grundy, le Oui, grand non, mais je méchant veux zombie. dire, quand ils sont tous morts, après, il y a la menace qui guette derrière, c'est Steppenwolf, hein, l'équipe Ouais, mais d'Apocalypse, une ça, fois tu de vois à plus. la fin du tome 1. Là, on review le tome 1, monsieur. D'accord, ouais, moi, je l'ai lu il y a tellement longtemps. Oui, restez Ouais, dans le sujet, exactement. monsieur Wallis, s'il vous Ok, plaît, ça marche. Et donc merci. voilà, donc là ils vont créer une nouvelle équipe. Hein, ils nous montrent de nouveaux personnages. Donc c'est Oui. centralisé sur Flash, sur le nouveau Green Lantern. Voilà, Les avec personnages de les. l'âge d'or. Et moi je trouve pas Ouais, ça pas mal. Hein, je trouve ça c'est excellent quoi. Le tome 1 il était super. Ouais, C'est puis avec génial. les costumes sont pas mal, c'est les mêmes que ceux d'Injustice en plus. Ouais, Oh, bof, quoi. pas trop non. Non, pas du Ah tout si, les costumes de Terre 2 d'Injustice, c'est les mêmes que dans le comics, quoi, je veux dire. On n'a pas dû lire le même Injustice, je crois. Non, Oui, mais c'est tout. je parle du jeu, je parle pas du Bah oui, comics. si. Les Bien sûr. costumes du comics Earth 2, c'est les mêmes dans le jeu vidéo Injustice de ceux de Earth Ah 2. oui, ok, oui, ok, ouais, mais c'est Donc normal, ils c'est ont. logique, vu que c'est les mêmes personnages. Ouais, c'est le même personnage. C'est un DLC en fait qui est sorti dans le truc. Oui. Ouais, on s'est mal compris, c'est pas grave. Ça doit être ça. Merci du propos. Ouais, les dessins ils sont magnifiques aussi sur cette série. Ouais, moi j'ai bien. Ouais, les dessins Franchement. sont pas mal, hein, franchement. Mais la série elle est de mieux en mieux de toute façon. Ouais, mais cette série, c'est quand même un truc génial, c'est que DC a décidé de réinventer les héros de l'âge d'or, donc les tout premiers héros, mais ils les ont super bien réinventés, quoi, parce que c'est vrai que Ouais. les anciens héros, maintenant tu sors le Golden Age à cette époque-ci, face au Golden Age, les gens ils jettent en l'air avec ça, mais là c'est vraiment. Ouais, puis ça fait bizarre, ouais, de voir style Jay Garrick et tout, c'est un petit jeune alors que c'est toujours été un vieux, enfin, Ouais. des trucs comme ça. Ouais, non, Ouais, même c'est une Alan série Scott et qui. tout, c'est quand même, franchement, c'est une bonne idée, ils ont vraiment stylé là-dessus. Et ouais, c'est vrai que ça va monter en intensité, le tome 2, le tome 3, tout va être de mieux en mieux, c'est vraiment. Avant de se casser la gueule. Ouais. On verra, Tout mais pour ça l'instant, pour arriver à convergence. cette espèce de merde là, La on en reparlera après. convergence. On en parlera après. Ok, donc Vinch toujours avec Jeff Jones présente Green Lantern, tome 0. Oui, donc le Jones présente tome 0, donc c'est la réinvention des origines de Hal Jordan vues par Geoff Jones, parce que comme tout bon auteur qui se doit aime réinventer les origines de son héros sur lequel il travaille longtemps. Encore un reboot? Oui, oui et C'est non, pas un c'est un reboot, hein. reboot, c'est un re en fait il réexplique juste Ouais. en fonction de son run, donc moi je trouve pas ça plus mal vu que ça remet vraiment dans le contexte, c'est pour la prolongation de son run vu que Ouais, ça et ça suit. il récupère un tas d'origines à droite à gauche debout et il arrive à faire un truc cohérent, quoi. Ouais, franchement, c'est vraiment très stylé. Moi, je connaissais les origines que j'avais lues dans l'anthologie et que j'avais vues dans le film qui est pourri. Mais bon, soit, Il est pas donc là, pourri le j'ai. film, hein. Vous allez arrêter de me dire qu'il est pourri, quoi. J'entends ça de partout, il est pas pourri, quoi. Il Ouais, est. franchement, c'est à chier. Le mec, Il est carrément, pas pourri, c'est un le film. CGI était tellement moisi que t'as l'impression que le mec, sa tête, elle vole toute seule dans le ciel. Ouais, il est pas pourri, c'est un film qui est pas terrible, mais il est pas pourri. Les gens, ils bandent sur Thor 2 et Captain America 1, comme je disais l'autre fois. Il est pas plus pourri que ces films-là, je suis désolé. Il est mille fois plus pourri que ça. T'as pas de goût, c'est pas ta T'es faute. un malade, toi. Thor 2, c'est mieux que Green Lantern, tu Non, vas me Thor, c'est de dire. la merde. Ah ben Parle pas de merci. Thor. Donc c'est pas pourri. C'est pas terrible, mais c'est pas pourri. C'est C'est le pas. même, ils vont ensemble. Ils font leur classe ensemble, ces Si deux-là. tu me dis Green Lantern, c'est de la merde comparé à Interstellar. Je te dis oui, mais si Oh tu là compares là. Green Lantern à un film pourri et que tu me dis que le film pourri il est trop bien, il y a un souci. Donc je suis Non, désolé, il est pas pourri, il est pas terrible, Green c'est pas Lantern, il pareil. avait un scénario bancal, les effets spéciaux étaient mal faits, mal Green réalisés et Lantern, tout. jusqu'à la moitié c'est bien, quand il y a parallaxe, ça devient nawak. Mais sinon, c'est pas pourri, je suis désolé, ça c'est pas plus pourri que les films Marvel. Faut arrêter de. Mais tu es un sale hater Marvel. Je suis pas un hater Marvel, c'est que moi je suis objectif, et quand on me dit Thor 2 c'est un film culte, ça va marquer ta vie, et Green Lantern c'est de la Bah, je sais merde, pas qui t'a dit bah le ça, mais mec il me t'as fait des rigoler quoi. voilà, mais c'est quoi cette surenchère là? Hein, parce que. Je sais Enfin pas bref. qui pourrait dire que Thor 2 c'est un film pourri, Oui, quoi. Enfin, c'est un film il y bien, en a, pardon. il y en a, il y en a. Va voir En sur tout Twitter. cas, moi, Va voir depuis que sur j'ai Twitter. vu Avengers: Era of Ultron, maintenant je peux me dire que j'ai bien aimé le premier Avengers, ce que je pouvais pas dire avant. On en parlera après, Salami, mais ouais, on en parlera un peu plus tard d'Avengers Age of Ultron. Donc vas-y, donc continue ta très bonne critique sur Green Lantern tome 0, sans Et parler du donc, film. j'ai très bien aimé ça, donc je trouvais ça très intéressant, la façon dont il avait réimbriqué les origines, surtout en fonction du run donc, qui suit. Donc ça rejoint parfaitement ce qui va sortir donc, dans le tome 6 qui est sorti précédemment. Donc franchement, c'est une très bonne réinvention des origines de Hal Jordan qui colle parfaitement au Geoff Jonesverse et à sa façon de gérer tout ça. Donc franchement, achetez-le, surtout si vous avez kiffé ce qui se passe avant. Donc enfin, je veux dire ce qui se passe avant, ce qui s'est sorti avant. Donc le tome 0, c'est un peu la genèse des 5 tomes précédents. Mais pourquoi ils l'ont sorti à ce moment-là? Bah, tout simplement parce que ça fait directement. Et les événements qui se passent dans ce tome 0 expliquent directement ce qui va se passer dans le tome 6. Donc ça se passe avec Astrocytus et la fameuse prophétie. Et Et ça fait en plus directement référence à ce qui est sorti il y a très longtemps, la Black Death Knight. peut-être que c'est peut-être pas accessible, non, pour un numéro 0 si t'as jamais vu Green Lantern, non? Je sais pas, je te demande. Si, moi je trouvais ça totalement accessible vu que c'est D'accord. vraiment les origines, ils prennent vraiment la base avec, le. Donc. Putain, j'ai oublié son nom, c'est la loose. Bien sûr. Ouais, Abinsur. Donc, Abinsur qui débarque sur Terre. Maintenant, c'est vrai qu'il y a deux, trois trucs si tu connais pas du tout Green Lantern. Genre, Abinsur, il a un extraterrestre dans sa cave, il tabasse des mecs, il a un extraterrestre sur lui. Maintenant, Oui, tu comprends pas d'accord. vraiment pourquoi, mais tu le comprendras plus tard, c'est pas utile au développement de l'histoire. Donc, il atterrit sur Terre. Hal Jordan le rencontre, c'est Hal Jordan, voilà, il devient Green Lantern, il fait ses classes, tout ça, il arrive sur Terre. T'as John Hammond comme dans le film. D'ailleurs, ce que je trouve que le film, c'est quand même pas mal, un peu inspiré du comics. En même temps, c'était Jeff Jones, le scénario du film aussi, hein. Ouais, je savais pas du tout. Eh ouais. Non, moi je suis resté bloqué sur sa tête qui flottait toute seule, mais c'est un autre débat. On va pas en parler, ça te vexe. Non, ça me vexe Mais pas, mais. je vois que ça te Vas-y, met vas-y. vénère, parce que tu crois que je kiffe Marvel alors que non, pas trop. D'accord, ok. Vas-y, vas-y, Et continue, continue. donc voilà, donc je trouvais que c'était vraiment bien imbriqué. L'histoire, non, elle est totalement accessible, il n'y a pas de souci. Si t'as jamais lu, tu peux commencer par là. Maintenant, si t'as déjà lu, t'as pas de souci, tu peux quand même commencer par là, ça va pas te déranger plus que ça pour kiffer l'histoire. Ouais, je vais acheter celui-là. C'est quand même mieux d'acheter Green Lantern tome 0 avant de lire le tome 6. Ça, c'est le seul truc que je peux dire. En même temps, j'ai envie de te dire, logique, quoi. Oh, bon, on sait jamais, comme c'est le tome 0, ils l'ont un peu planté n'importe où. C'est intemporel, tu pourrais le lire après, mais je pense que tu vas plus Ah kiffer oui, en tu lisant veux dire, d'abord après ça. avoir lu le tome 5, il vaut mieux lire le tome 0 et après le tome 6, c'est ça que tu veux dire? Tu peux lire le tome 0 au début, mais je conseille juste d'avant le tome 6, lire le tome 0. D'accord, ok. J'ai rien Parce dit que alors. tu pourrais très bien le lire après, mais comme je dis, si tu comprendrais une meilleure compréhension de l'histoire, vu que, je veux dire, là, c'est vraiment les fondements de ce qui va se passer dans le tome 6 de Geoff Jones. C'est pour ça qu'ils le sortent à un mois de décalage, comme ils avaient fait pour Sinistro War, tome 1, partie 1 et 2, ils les avaient vraiment sortis dans un délai très fort, très court, parce que c'est parfaitement lié, quoi. C'est vraiment une saga qui s'embrique en fait. Toi, Spectra, tu l'as commencé ou toujours pas? Non, non, j'ai pas toujours pas commencé en VF là. J'ai trop de trucs à acheter pour l'instant, donc je vais voir avec la VO et puis éventuellement Ça je se passe commencerai il y a ça à un très moment longtemps. donné quoi. Ça se passe il y a très longtemps. En fait, ce run-là, qui sera en 7 tomes, je crois. 6 ou 7 tomes, c'est vraiment les bases de tout ce que tu vas lire maintenant, quoi. Tu vois, c'est Geoff Jones qui a remis tout l'univers Green Lantern à plat depuis presque 10 ans, je crois. Ouais, c'est ça. C'est Ouais. ça. Bah, il est resté 10 ans dessus sur la série, je crois. Ouais. Ok, bon, on va passer à Justice League Saga hors Syrien. Donc, c'était consacré à la mini-série des années 2000, The Brave et The Bold, la Green Lantern Flash, avec Mark Waid au scénario et au dessin, je sais plus qui c'est. Et ouais, c'est moi qui dois le chroniquer, mais en fait, j'ai lu deux numéros, deux épisodes, et j'ai arrêté, ça m'a gavé en fait. Ouais, c'est une histoire d'hommage au Silver Age, je crois. Et ouais, c'est des histoires. Ouais, c'est ultra classique en fait. Il y a rien de. C'est des histoires en un épisode à chaque fois où il t'explique que les mecs c'est les meilleurs amis du monde. J'avais l'impression de lire du Boulet Bill. Donc franchement, je me suis fait super chier. Vince, tu l'as lu, vas-y, chronique. Moi, je pense que j'ai lu deux épisodes, je vais pas lire la suite. Ça m'a saoulé. Ouais, non, j'ai lu moi ça. C'est vrai que comme tu dis, c'est du one shot. C'est vraiment pour si t'aimes bien Green Lantern, si t'aimes bien Flash, si t'as envie d'un peu voir leur relation. Non, c'est vrai que c'est un peu des fois trop fraternel. Tu vois, les mecs, tu sais pas. J'aurais préféré un récit où tu les vois plus leur développement du début à la fin. Maintenant, tu les vois meilleurs potes. C'est un bon moment, c'est une lecture popcorn divertissante. T'as envie de lire du Flash, du Green Lantern, tu le lis. Maintenant, si tu t'attends à avoir une histoire de folie, ben oublie. C'est vraiment comme tu dis sur le Silver collé sur le Silver Edge, donc c'est des histoires en un truc. T'as un moment, t'as Green Arrow qui débarque aussi, t'as un petit truc avec Alan Scott. C'est sympathique à lire, maintenant c'est pas du très très gros Non, très gros run blockbuster quoi. quand j'ai commencé à lire, j'ai compris pourquoi ils l'avaient pas mis en librairie en fait. Pourtant, elle est Ouais, acclamée cette mini, hein. Mais moi, franchement, ça m'a fait ni chaud ni froid, quoi. non, moi j'ai bien apprécié, mais je l'ai pris comme tel. Je me suis pas dit ça va pas. En fait, quand j'ai feuilleté le bazar, je me suis dit, oula, ça, à mon avis, ça fait un peu Silver Age. J'ai lu le premier, puis je me suis dit, bah ouais, je vais découvrir comme ça. Maintenant, le premier épisode est moins bien, après ça devient un peu mieux, puisque t'as un peu plus de team-up et t'as un peu plus d'histoire, etc. C'était pas mal. T'as Starfire, t'as Wally. Qu'est-ce que t'as d'autre? Ouais, t'as Alan Scott comme j'ai dit et tout. Maintenant, c'est pas mal. T'as le maître du miroir, t'as Black Ouais, Hand j'ai déjà aussi. vu ça aussi, j'ai déjà vu. Ouais. C'est pas mal. Maintenant, c'est vrai que comme tu dis, ça vole pas non plus. C'est pas de truc de folie. Pour moi, ça se cale sur le Silver Age. Les gens qui kiffent le Silver Age vont bien aimer. Ceux qui sont plus Modern Age, bah, ça va moins les botter quoi. Tu comptes l'acheter toi, Guillaume, celui-là? Lequel? Hors série là? Ouais, Justice League, saga hors série. Je sais pas. Pour le fun, voilà, pour pas me prendre la tête comme vous l'avez dit. D'accord. Ok, on va passer à Green Lantern Saga 31 Uprising. Ouais, donc Uprising, donc le soulèvement en anglais. Encore une fois, c'est donc le récit complet, le soulèvement. Donc maintenant, donc depuis deux numéros, Urban a décidé de faire uniquement les crossovers. Bah, ça se vaut, ouais. Moi, je trouve ça complètement bidon. Maintenant, c'est leur kiff. Donc ça sort tout une fois par trimestre et c'est donc ça complète tous les épisodes. Cette fois-ci, ils ont fait l'effort de les mettre dans le bon ordre. Parce que la dernière fois, ils nous avaient fait un truc génial. Ils avaient mis tous les épisodes de Green Lantern, puis tous les épisodes de Green Lantern Corp. Ce qui était horrible à lire. Maintenant, ils les ont quand même mis dans l'ordre. Donc, un Green Lantern, plus un Green Lantern Corp. Je trouve ça déjà un bon truc. Et donc, ça se concentre maintenant sur donc, le gros du truc qui nous est teasé depuis que Venditti a pris en main l'univers Green Lantern. Donc, après, c'est enfin, notre beau Geoff Jones. Donc, voilà. Donc, c'est donc les Durlans qui sont pas contents du tout. Ils aiment pas les Green Lanterns. Ils veulent les tuer, c'est des méchants. Donc ils montent un gros clan avec plusieurs groupes d'ennemis des Green Lanterns et ils décident de faire la guerre. Donc ça monte en intensité, donc c'est vraiment la guerre. Plus personne veut des Green Lanterns, ils sont acculés de partout. Donc en fait, la première moitié, c'est vraiment kiffant. Quand tu lis au moment même, t'es oh putain, ça monte en enchère, tu te dis c'est un putain de truc. Puis ben là, ben Venditti, il a un gros souci, c'est que ben ça tombe à plat en fait. Le mec, il se met à bord des mots en plein milieu du récit et tout tombe à l'eau, donc c'est le truc. Tu te dis tout ça pour ça en fait, tu vois. Donc il y a toute une montée en puissance, les Green Lanterns sont acculés et tout. Puis par un petit twist scénaristique, bah, en fait les Green Lanterns ils s'en sortent ni vu ni connu. Ils boostent un peu, ils tabassent les méchants et les Durlans, ça se finit en combat sur leur planète. Ils finissent par les cramer. C'est Ah, c'est voilà, classique. Bah, de toute c'est façon. classique, c'est un peu ouais, c'est du Venditti. Il fait des très bons débuts de récit, des très bonnes montées en puissance, mais il a encore plus de mal à conclure ses récits que Snyder, donc c'est vraiment très moyen. Il y a deux trois pirouettes scénaristiques, mais ça vient plus de Green Lantern Corps que de Green Lantern. Façon, c'est cette série-là, au numéro 31, il n'y a que les gens qui suivent qui vont l'acheter, quoi. Personne ne va commencer par là, de toute façon. Ouais, Donc les gens franchement, c'est qui pas achètent, rien ils du savent à tout. quoi s'attendre, quoi. Ouais. Ouais, les gens, franchement, si vous lisez ça, bah, c'est parce que vous voulez conclure le run. Après, ce qui vient, donc dans 3 mois, ce sera teasé à la fin du vers la Godhead. fin du tome. Ouais, c'est Godhead, donc on voit les Godhead qui débarquent. Ça, je l'ai lu en VO, je le chroniquerai quand il sortira en VF. Bah, c'est beaucoup mieux. Donc, si vous voulez, accrochez-vous sur Green Lantern Saga et vous verrez après, ça devient beaucoup mieux. Et je parlerai de mes déceptions du Green Lantern Saga 32 que je connais déjà. Mais j'en parlerai au numéro 32. Voilà. Ok. Bon, bah, si vous avez rien à ajouter, on va passer au review comics VO, donc avec Convergence. Alors bon, en fait, on voulait faire, enfin moi j'avais prévu en fait de faire une review par personne, mais en fait on va faire une review globale en fait, parce que je vais commencer par le zéro parce que le zéro il est particulier et puis après on fera une review des autres vu que c'est à peu près toujours pareil. Donc dans le zéro, donc c'est écrit par Jeff King et Dan Jurgens, c'est dessiné par Ethan Van Sciver. Donc on voit Superman, donc en fait c'est au moment à la fin de l'event Superman Doomed, donc on avait vu qu'il mettait Brainiac dans un trou noir. Donc là, on va retrouver Superman donc en plein milieu de nulle part, et donc il va être en quelque sorte, comment dire, attrapé. C'est Brainiac qui l'attrape, hein, c'est ça? Ouais, je crois que c'est Il semblerait, Brainiac, ouais. ouais. Ouais, il l'attrape, il l'enchaîne, et puis il va lui sortir des phrases tout droit sorties d'un vieux navet américain, des phrases toutes faites dans le désordre, ce qui fait qu'en fait, Superman il comprend rien, et nous aussi en fait. Et donc en fait voilà, le numéro moi il m'a pris la tête parce que voilà, il te sort plein de petits bouts de phrases incompréhensibles, voilà. Donc déjà premier numéro, j'ai été déçu, il y a que les dessins qui sauvent le truc. Après voilà, il te montre des bouts des différentes époques de Superman, toutes les fois où il est mort et compagnie quoi. Le numéro moi déjà le zéro il m'a déçu. Vous en avez pensé quoi de ses débuts? Juste le Bah moi zéro hein. le zéro, moi j'ai bien aimé, franchement je l'ai après je l'ai trouvé vraiment beau. Et puis du coup vu que j'étais un peu paumé pendant la lecture et tout, enfin tu vois, du coup j'ai pas trouvé ça comment dire, enfin ça m'a pas dérangé pour autant, tu vois. D'accord, donc toi t'as aimé Vinge? Ouais, non, moi, c'est très beau, ouais, mais sinon, l'histoire, c'est une coquille de vide, quoi. Il n'y a pas. Zéro, on parle. Ouais, je sais, bah, le zéro, j'ai pas trouvé ça très. Comme tu dis, les phrases toutes faites, le truc des morts du Superman, tout ça, j'ai trouvé ça un peu bidon. Ça a introduit le truc, mais en fait, si t'as lu le résumé de ton comics que t'as acheté, bah, tu connais déjà l'histoire. En fait, il te résume tout en 20 pages, donc. Ouais, non, Bon, j'ai donc. pas trop. C'est bien, mais Bon, voilà, quoi. y a que Spectra qui a aimé. Après, 1, 2, 3, bon, pour moi, je me suis fait arnaquer sur la marchandise. Parce qu'en fait, c'est Convergence, ça devait parler d'un tas d'époques, d'un tas de personnages. Et en fait, les numéros, ils sont tous centrés. On a 3 pages sur la Terre de Injustice. Et après, tout le reste, c'est du Earth 2, en fait. Donc, Ouais, c'est tout je à vous fait laisse ça. raconter l'histoire. Mais ben, déjà, pour moi, sur ça, ils sont trop. Et moi, je voulais pas voir Earth 2, quoi. Si je veux voir Earth 2, je veux voir une série Earth 2. Mais allez-y, les gars, développez l'histoire. Vas-y, Spectra, fais-toi plaisir. Ouais, en plus t'es Bah celui qui alors aimait, toi. après ouais, alors j'ai bien aimé jusqu'au 2, hein. Ça Si tu veux le n'a pas premier duré longtemps. épisode, tu retrouves les persos d'Earth 2, bon comme c'était annoncé et tout, donc ça m'a pas dérangé non plus. Ils découvrent Telos, machin, compagnie. Numéro 2, ils affrontent Telos, ils sont persuadés de l'avoir démonté, mais il revient. Donc ça, c'est un petit peu le mécanisme des comics qui est un peu relou et bien redondant. Et par contre, j'ai bien aimé le passage à Gotham où du coup on retrouve le Batman pré-Flashpoint, et puis on voit la rencontre entre Thomas Wayne d'Earth 2 et Bruce Wayne d'une Terre que nous avions kiffé il y a une certaine époque. Et jusque-là, ça allait, tu vois, il y avait encore le mélange des terres, du multivers et tout. Et après, à partir du 3, moi, je trouve que ça part quand même bien en couille. J'ai même poussé le vice jusqu'au 4. Il y a le sacrifice nécessaire à un event, et puis voilà quoi. Mais sinon, il se passe pas grand chose. Il découvre aussi Deimos, qui sauve dans l'épisode 2, je crois, à la fin. Ouais, c'est Ils se ça. rendent compte que ses motivations sont pas forcément très saines, mais voilà, c'est assez relou, hein, le 3 et le 4, là, surtout le 4. Ouais, il se passe pas grand chose, quoi. Il parle un Non, peu, il se met sur la gueule, il reparle un peu. Ouais, moi, c'est sûr que bah, je suis très déçu du développement de l'univers. En fait, si tu veux kiffer l'univers, faut plus lire les minis que ça, parce qu'en fait j'ai l'impression que l'event central est moins important que les mini-séries, Ouais, quoi. bah Tellement les il se mini. passe rien dans les mini, quoi. Enfin, dans le central, pardon. Bah les mini, on va en parler. Vous avez autre chose à rajouter là-dessus ou on passe aux mini, les gars? Ouais, d'ici nous la mettre bien profond avec Convergence. Ouais, franchement, perso, je trouve ça pourri. Bon, bah, je vais continuer donc avec la. Alors après, juste par contre, enfin, ce que je disais, c'est pas pire que Trinity War ou que certains events qu'on a eu, hein, ça se Ah, je suis laisse pas lire, mais d'accord. Ah, bah ouais, moi moi je je suis. trouve que c'est quand même du foutage de gueule, vu comment ça a été annoncé, les attentes qu'on pouvait avoir, c'est quand même bien bien merdique, mais Bah, moi je préférais 100 fois Trinity War ou Fall River Revel que ça pour l'instant. Avec Ah leur bah Fall Telos là, River Revival, le. ouais, par contre je préférais, ouais, mais Trinity War, m'avait Ah, laissé un peu pantois, ouais. franchement, Telos là, le sel du pauvre, franchement là, c'est. Le mec il a la tête de sel et il parle comme Yoda quoi. Enfin bon. On va passer au mini. Alors moi j'ai lu Speed Force Flash, enfin normal quoi, enfin, le nom c'est Speed Force. Donc scénario Tony Bédard, au dessin Sean Parson et Tom Grummet. Donc celui-là donc c'est avec donc là il récupère Wally West de l'ancienne époque avec ses enfants. Donc en fait le gros problème des mini en fait c'est qu'elles ont toutes le même schéma en fait. Donc quand j'ai lu le premier la première mini j'étais content c'était pas mal et quand j'en ai lu deux ça m'a déçu. Donc en fait, donc Wally, là, avec ses gamins, il t'explique qu'il a été enfermé dans un dôme. Ça fait un an qu'il est dans son dôme avec ses gosses. Donc sa femme, elle est loin, machin, bidule. Donc ils ont plus leur pouvoir. Donc ils sont en galère. Donc ils te racontent leur vie, qu'est-ce qu'ils font dans le dôme. J'ai envie de dire Under the Dome parce que c'est la même qualité. Donc voilà, on voit les mecs, c'est cool, c'est sympa. Après, le dôme s'en va. Ils récupèrent leur pouvoir. Il y a Cell qui arrive. Il vient et il dit, ouais, en gros, les gars, c'est parti, le Battle Royale a commencé. Mettez-vous sur la gueule. Le perso, il s'en va pour aller voir ce qui se passe ailleurs. Et là, il y a un méchant qui arrive et c'est fini. Voilà. Là, c'est ce qui se passe. Bon, là, c'est un peu marrant parce que quand il s'enfuit avec ses enfants, il voit d'autres lignes temporelles, d'autres multivers, j'en sais rien quoi, avec des personnages qui sont marrants. Je pense que le vieux lecteur, il va être content de voir certains personnages. Moi, je les connaissais pas, mais bon, c'était quand même agréable. Voilà. Ce numéro, il est pas nul, mais ouais, c'est un bon divertissement, quoi. Mais voilà, le souci va revenir, quoi. Si vous en achetez une, ça va. Si vous en faites plusieurs, vous allez vous taper les mêmes histoires à chaque fois, quoi. Hormis les 2-3 minutes d'intimité, après, dès que le dôme arrive, c'est à chaque fois pareil. Là, vas-y, Spectra. J'ai le contre-exemple du coup dans la série, Ah, dans le numéro d'anarchie. Convergence Shadow of the Bat qui est pour le coup franchement vraiment génial Vas-y. et puis superbement dessiné par Philippe Tan. Donc en fait du coup c'est un team-up entre Batman et Azrael. Donc ça m'a bien fait plaisir déjà de retrouver ce bon vieux Jean-Paul Vallée là. Ouais. Donc pour Jean-Paul Vallée qui avait assuré l'intérim en tant que Batman quand Bruce Wayne s'était fait fracasser la colonne vertébrale par Bane. Donc ce numéro est vraiment pas mal en fait pour le coup parce que t'as vraiment une histoire où les deux s'associent pour lutter contre je sais plus quel trafiquant parce que je connais pas tous les persos, j'ai peut-être pas la culture encore bien développée des années 90 dans les récits de Batman. Mais en tout cas l'arrivée de Telos ici elle se fait qu'à la fin du récit et franchement les personnages ils en ont rien à foutre, ils continuent à se castagner joyeusement donc bah, j'ai vraiment hâte d'avoir le numéro 2 du coup. Il n'y a pas le dôme alors et tout? Bah si, il y a le dôme, mais ils y font référence, mais ça, enfin, ils s'en foutent vraiment, quoi. D'accord. Je pense, tu vas vraiment avoir une véritable histoire en deux numéros. Alors en sachant qu'il y a deux personnages qui s'incrustent dans le dôme, donc ça tournera autour de ça dans le numéro 2, mais franchement, le numéro, il se laisse vraiment bien lire, quoi. Telos, à un moment, enfin, ils sont en train de se bastonner sur le tourne-à-camion, et il y a Telos qui parle en même temps, mais eux continuent à faire ce qu'ils ont à faire, quoi. Ah ouais, d'accord. Les scénaristes, ils s'en foutent de l'event en fait. Ouais. Et puis franchement, c'est vraiment superbement dessiné, quoi. C'est vraiment super classe. Ouais, bah voilà, bah c'était le parfait contre-exemple quoi. Bah moi je vais continuer dans la suite de mes exemples. Donc le Convergence The Flash. Donc Federico Dallocchio au dessin et Dan Abnett au scénario. Donc là cette fois-ci on suit Barry donc des Abel Lurette. Donc bah lui c'est pareil, hein, le mec il est en galère dans son dôme, donc qu'est-ce qu'il fait? Ben il va taper, il va boire des cafés avec Bruce Wayne pour trouver une solution. Donc je caricature mais c'est un peu ça, donc sa femme elle a disparu, donc il lui parle alors qu'elle est pas là, voilà, il est en train un peu de sombrer. Et donc bah, qu'est-ce qui se passe? Le dôme s'en va, il récupère ses pouvoirs, et à ce moment-là, ben il y a un vilain qui arrive et ils vont se mettre sur la gueule. Voilà le numéro. Donc à vous de voir si vous voulez voir toujours les mêmes trucs quoi. Ouais, c'est Mais vrai que c'est similaire et tout. Maintenant, ça dépend. Bah, quand j'ai lu Convergence Superman, je trouvais ça me semble plus intéressant que ce que t'as lu toi, tu vois. bah, si tu veux, comme je dis, ce qui est bien, c'est les 3 minutes d'intimité des personnages que peut-être que les vieux lecteurs ils retrouvent là et ils sont contents. Mais après, ce qu'il y a, c'est que c'est comme je dis, si tu lis plusieurs titres, bah, tu sais déjà ce qui va se passer, quoi, tu vois. C'est ça en Ouais. fait le problème. Ouais, C'est ça qu'ils dépend les... Bah, ils quand... ont Donc... fait ce qu'ils auraient dû faire. Ils auraient dû faire Convergence 0, ils mettent le dôme. Basta, c'est terminé. Et après, toutes les séries, elles partent dans un délire différent. Et ils mettent une page de récap. Ils font jamais ça, mais au moins, là, ils mettent une page de récap en expliquant aux gens. Et au moins, chacun fait ce qu'il veut. Mais là, voilà. Enfin, moi, ça me fait chier, quoi. Ouais, je vois, je comprends, je compatis. Ouais. Enfin, Ah, bon. ils sont chiants d'ici avec leurs mois spéciaux quand même. Déjà le mois de septembre, des fois, il est vraiment trop. Alors là, si tu t'en tapes deux dans l'année comme ça en plus. Ben là, ils avaient pas le choix, c'est ça le problème. Après, Ouais. le fait, c'est qu'ils ont filé les clés du camion à un mec qui a jamais écrit de comics, Jeff King. Donc, bon, est-ce que ça se tente un truc comme ça, quoi? C'est ça le problème. Ouais, je pense qu'ils Vu s'en l'ampleur foutent de un peu. l'événement, ouais, ils ont. Ben ouais, voilà, c'est ça le truc. Ouais. C'était teasé comme la plus grande des crises et c'est tout, et en fin de compte, il laisse faire un débutant faire le truc. Moi, je vois plus ça comme un hommage, il y a un peu de fan service. Ouais, mais l'hommage, je pense qu'il va faire rêver pas grand monde en fin de compte. Hein. C'est ce que je t'ai dit, quoi. Si t'en lis une, c'est bien. Si t'en lis plusieurs, ben voilà, quoi. Et même les petits moments, comme tu dis, d'intimité, il n'y a rien de transcendant. Hein. Ouais, bah, je vois pas. Enfin, moi, le seul moment d'intimité que j'ai vu, enfin, ils m'ont un peu troué le cul, donc je vais expliquer bientôt. Ah, donc t'en as lu un autre, Ouais, vas-y, bah, Vinta. j'ai lu Convergence Superman. Donc là, ça se passe. Donc t'as ça, justement, au début, c'est un peu de l'intimité. Moi, ça m'a fait chier. Donc t'as Superman qui est dans le dôme mais qui continue à sauver les gens, tout ça. Puis t'as un moment d'intimité entre lui et Loïs qui est enceinte. Donc ça fait un moment, il s'inquiète parce que le dôme, tout ça, le bébé, c'est un truc de fou. Puis là, on voit pas Telos, mais on voit donc la Terre de Flashpoint, donc le Batman, Shazam, Cyborg et le Superman anorexique. Donc eux, ils sont au courant de ce qui se passe et tout. Ils se Anorexique. disent, ouais, bah, quand tu vois sa gueule, il est un peu anorexique. Donc ils disent, ouais, et tout, nous on va se faire baiser. Nous on est des survivants, on a déjà eu notre dose avec Flashpoint et tout. Donc ils décident, ni vu ni vu, ils vont défoncer la gueule de Superman, tu vois. Donc là, t'as un peu de baston et tout. Par contre, là, j'ai pas tout compris, mais t'as Abinsur qui a débarqué de la Terre, de la. Flashpoint, alors que dans Flashpoint il était mort, ça j'ai pas tout suivi. Je t'avoue que j'ai un truc qui m'a échappé dans le truc. Et donc t'as, ouais, la moitié du truc c'est un combat, donc c'est de la baston entre Cyborg, Shazam qui se fait laminer la gueule par Superman et Abinsur. Puis de l'autre côté, bah, t'as Superman anorexique qui est toujours un peu transi de la vie et qui se dit putain, ouais, mais s'il y a un autre Superman, il y a peut-être une autre Lois et tout. Donc lui il part pour aller la récupérer. Et en même temps, donc le Batman de Flashpoint, bah, lui il cherche Bruce dans la Gotham en vain, puisqu'il Ouais. n'y a pas, pour le moment il n'y en a pas. Donc le truc se conclut avec toujours la baston et Superman le jeune qui décide de sauver à sa manière la Lois Lane qui n'est pas du tout en danger du Superman de la Terre originale. Donc là j'ai trouvé le récit un peu plus intéressant parce que donc c'était pas vraiment centré, ils faisaient leur truc à eux, ils se battaient entre eux et tout. Mais j'ai trouvé ça intéressant de voir l'évolution de Flashpoint, que c'est une terre que j'ai bien aimée. Maintenant, ouais, il y a eu le petit moment, comme tu dis, d'intimité. Moi, j'ai trouvé ça pourri, parce que le Superman de la Terre d'il y a, je sais plus quelle année, je m'en fous total, tu vois. Je l'ai jamais lu, donc ça m'intéresse pas. Maintenant, pour les lecteurs, ouais, c'est un petit kiff. Dans 3 pages, ils ont lu que Superman, il a eu un gosse avec Lois Lane. Enfin, qu'il va peut-être avoir un gosse avec la Lois Lane, qu'il aurait dû avoir il y a 20 ans. Bah ouais, c'est un peu bidon, maintenant. Sinon, ça se laissait lire. Maintenant, c'est vrai que les moments d'intimité, moi, ça me plaît pas, mais... sinon j'ai lu Parallax, Green Lantern. Là aussi, ouais, donc c'est Takai Reiner, ils sont sous le dôme depuis 6 mois, je pense, 1 an, un truc comme ça. Donc ils ont plus de pouvoir là-dessus. Hal Jordan, Parallax, donc l'époque avant, juste ça, en fait, donc cette époque-là se passe juste avant Zero Hour. Donc là, bah, il a plus de pouvoir, donc Zero ouais, Zero Hour. Moi, je dis Hour. Zero Hour, mais ouais, Zero Hour. Et donc Okay. Hal Jordan, il a pas de pouvoir, donc il a plus Parallax en lui, il chiale dans une prison parce qu'il dit j'ai tué trop de gens et tout, je suis une merde. Kyle Rayner essaye de le sauver, t'as 3 pages qui résument en fait tout l'event d'avant. Là-dessus, Kyle Rayner, il fait ouais non mon pote, je reviens te voir demain, tracasse pas, il faut que tu sortes de prison, t'as rien fait. Là-dessus, le dôme se lève, Parallax sort de sa prison. Il décide de revenir sa terre à lui, mais là-dessus, t'as une meuf de Electropolis, je connais pas du tout. Je sais pas Non plus. si quelqu'un connaît. Non Donc elle plus. le voit, elle décide de lui tirer dessus. Évidemment l'autre il pète les plombs, il les bute tous, il va sur leur ville et il dit voilà vous allez tous crever et ça se finit comme ça. Et donc c'est à suivre. Donc ça c'était plus que bancal, franchement c'est le Green Lantern, plus on aurait pu s'en passer, parce que Parallax si ça apporte rien du tout, c'est. Enfin le gars, tu vois pas Telos non plus, mais le gars t'entends juste la voix qui dit faut vous buter et Ouais, c'est Kyle relou Rayner il aussi, sert à à chaque rien. fois, à chaque fois. Kyle Rayner, il sert à rien à part faire la morale, et puis tu le vois qui fait ouais, je pète à Green Lantern. Le gars, il se fait exploser la gueule en 3 secondes. T'as un mec qui débarque, il lui fout une pêche, il est à terre, il disparaît, tu vois. Et puis Parallax, il va dégommer tout le monde, mais tu te demandes pourquoi l'utilité. Surtout que c'est une terre qui est pas du tout. Ce que j'ai trouvé dommage, c'est que t'as pas du tout de clin d'œil aux autres terres d'ici. Enfin, peut-être que les gens connaissent, les puristes ou quoi, Electropolis, mais moi, j'ai jamais entendu ça de ma vie, et quand je vois la gueule des personnages, ils me disent carrément rien du tout. Donc Ok, voilà, parce peut-être que que mes voilà, lectures à moi. peut-être que c'est ça. On est peut-être trop jeune pour lire ça. Hein. Peut-être que Peut-être, c'est possible. Hein. Bon ben, on a fini avec Convergence. On râlait qu'il y avait des numéros en retard, mais en fin de compte, bon, moi je les ai pas encore lus, mais en fin de compte, heureusement qu'il y avait des numéros en retard, quoi. Donc on va oh commencer putain, avec. oui. Les deux numéros Merci, qui. merci. Ouais. Franchement, Batman 40 et Justice League 40, heureusement qu'ils sont là, eux. On va commencer par Justice League 40, Spectra, donc. Alors que j'ai fraîchement lu hier soir, donc Justice League 40 ou ce qu'aurait dû être Convergence finalement. C'est un superbe numéro introductif donc de la Dark Side Wars. On va suivre un des New Gods, Metron, qui va reprendre un petit peu toute l'histoire du multivers. et qui va expliquer les crises, les trucs comme ça, qui va aussi entériner le dernier statu quo que Jones a laissé avec le Amazovirus, à savoir les espèces de X-Men façon DC. Et Ouais, c'est bien en lien. j'aurais dit les inhumains, quoi. Mais vas-y, vas-y. Ouais, les inhumains, ouais. Et c'est bien en lien avec. Avec toutes les crises et tout, tu revois vraiment toute l'histoire de DC. C'est en lien aussi avec Convergence, avec Flashpoint, avec tout ce qu'il y a eu. Et dans ce numéro aussi, il introduit aussi donc l'Anti-Monitor façon New 52. Anti-Monitor qui a une identité, qui a l'air plutôt bien caractérisé et tout. Les planches sont jolies, t'as pas mal d'artistes. Bah déjà il y a Fabok, il y a Jim Lee, ils ont sorti l'artillerie lourde. Franchement, ça s'annonce vraiment pas mal, quoi. Tu sens que tu sens le danger de l'Anti-Monitor et puis de Darkseid. Le fait que ce soit deux méchants qui vont se foutre dessus aussi, c'est plutôt pas mal. Donc non, franchement, c'est vraiment un bon numéro. C'est bien écrit, c'est pas neuneux comme Amazovirus. Franchement, c'est vraiment top. En numéro introductif, ça, en tout cas, c'est vraiment génial. Ouais, ça, franchement, ça en jette. J'ai lu aussi, bah, je l'ai fini ce matin, mais franchement, ouais. Déjà, c'est magnifique pour les yeux, tu kiffes à le regarder, à le lire. Et ouais, le numéro introductif est hyper bien écrit. J'ai même appris des trucs avec que je savais pas avec les fils de Darkseid et High Fighter. Et franchement, ouais, ça donne envie quand tu vois la fin, la façon dont est caractérisé l'Anti-Moniteur. Tu te dis, putain, ça va envoyer du lourd, je crois. Ouais, limite le meilleur numéro du mois, quoi. Ouais, Presque. je pense, ouais. Ouais, il se bat pas mal avec Batman 40 pour moi. Ouais, D'accord. c'est Bah vrai. vas-y, Et ben. il est Ouais. vraiment bien, tu vois, ça fait vraiment plaisir. Je trouve ça, en tout cas, j'ai l'impression que c'est le meilleur numéro de Justice League qui est sorti depuis les New 52, en tout cas. Ah ouais, jusqu'à maintenant, quoi. D'accord, ok. Ouais. C'est pas pour Justice League, ouais, c'est vrai que c'est pas faux. C'est vraiment. J'espère vraiment que tout le reste va être à la hauteur, parce que. Mais je pense que c'est bien parti là. Ok, mais on va conclure les chroniques, les reviews avec le Batman 40. Et oui. Bah Spectra, je t'en prie, commence. Bah, Oh non, non, vas-y. vous d'abord, D'accord, Vinch. donc le Batman 40, je l'attendais depuis le début de ce Endgames qui avait commencé en fanfare. J'avais peur de cette fin. Et en fait, bah, franchement, pour une fois, je dois dire que Snyder, pour moi, a fait du très bon boulot. Parce qu'il arrive enfin à conclure son arc, il arrive enfin à avoir les couilles d'imposer sa marque sur le Batverse et sur le DCverse normalement. Donc franchement, c'était très violent ce numéro-là. Donc on prévient, c'est beaucoup plus violent. Mais pour moi, c'était un mal nécessaire vu toute cette haine qui a été engendrée entre Batman et le Joker, entre la Bat-Family et le Joker. Ben pour moi, il fallait qu'il y ait vraiment cette confrontation violente du sang, de la mort. Donc franchement, j'ai vraiment kiffé. Les dessins de Capullo, il était au top sur celui-là. On a des bons rebondissements, des bons retournements de situation. Puis cette fin, pour moi, elle est parfaite. Je trouve que ça conclut vraiment bien, je veux dire, ces 3 ans d'arc de Snyder. Maintenant, j'ai vraiment envie de voir les répercussions que ça aura sur l'avenir, parce que je vais pas spoiler, mais bon, j'espère que ce sera pas juste un arc comme ça. Maintenant, sur le Batverse, ça a l'air d'être imposé, ce bouleversement. Maintenant, sur le DCverse, pas trop, vu que quand on lit Ah oui, c'est sûr. le récapitulatif de Justice League. 42, tu vois déjà que Batman est au centre de tout, ça me fait déjà grave chier. Ouais, après, faut pas le prendre comme un truc. Parce que c'est pareil, Green Lantern, quand tu regardes, il est parti normalement. Hein. Et là, il est revenu le mois dernier dans Justice League. Ouais, Donc. maintenant, les numéros, tu verras, normalement, c'est pas vraiment pareil, tu vois. Le mec, il est pas censé revenir comme ça, quoi. Oui, non, mais c'est parce que c'est pas au même moment, je pense. Oui, Ouais. non, mais je l'ai pas lu, mais je pense savoir, mais je pense qu'après, ouais, c'est. Maintenant, non, maintenant, ce que je trouve seulement dommage, c'est que ça, c'est pas avoir le numéro, mais ce que je trouve dommage, c'est que Snyder a les couilles d'assumer un truc, maintenant il le fait. Maintenant, ce que je trouve dommage, c'est que comme tu dis, bah, ça revient encore, il faut du Batman, donc le mec, il est plus là. Il est plus là, on va pas dire pourquoi, mais il est plus là. Mais il faut que dans Justice League, bah, ce soit encore Batman qui soit au centre de tout. Quand tu lis le pitch, c'est Batman est la clé de tout. Bah, tu te dis, le mec, il est plus censé être là, mais il faut quand même qu'il te le mette en centre, tu vois. Ils arrivent pas à s'en détacher. Maintenant, au moins dans toutes les séries Batman, quand tu lis, bah, ce sera le New Batman. Maintenant, j'ai hâte de voir comment est-ce qu'ils en sont arrivés là, parce qu'il y avait quand même mieux à faire que ça, le New Batman, pour moi. Maintenant, faut voir tout ce qui va en découler, parce que mais le numéro, franchement, ouais, c'était un très bon numéro et c'est une très bonne conclusion à ce Endgames. Pour une fois, enfin, pour moi, c'est vraiment la conclusion de Death of the Family, la cour des hiboux et même Riot Games, et même de Zero Year. Il y en a un qui peut arrêter de faire le ménage derrière? Ah, c'est pas moi. Ah, je sais pas. Ouais, bah, du coup, moi, j'ai ouais, pas grand chose à rajouter en plus. Hein. Vinch a tout dit. Le combat, il est vraiment monumental entre le Joker et Batman. Il est même. Batman est même assez sarcastique, assez cynique et tout. J'ai bien, vraiment bien kiffé. Le seul reproche que je peux faire, à la limite, c'est que Damian est aux abonnés absents, ce qui est un peu bizarre. Alors après, Snyder disait qu'il aimait pas ce personnage de Damian, que ça l'encombrait plus qu'autre chose, mais bon, voilà, ça, c'est un peu Maintenant, dommage parce que quand tu vois que Snyder a tendance à déborder dans les séries de tout le monde et que lui, t'as l'impression qu'il s'en bat royalement les couilles, hein, des récits des autres. Donc c'est vraiment pour critiquer, hein, mais sinon le numéro est énorme et j'ai hâte de retrouver le All New Batman. juste pour défendre Snyder, ce Snyder-là, le seul truc c'est vrai que Damien, c'est normal, dommage qu'il n'est pas là, mais en même temps, vu la finalité des événements, s'il y avait eu Damien avec ses super pouvoirs, ça aurait pas vraiment été pareil. Je sais pas ce que t'en penses, mais je crois que Damien aurait vite réglé le truc, vu qu'il est un peu Superman maintenant. Donc ça aurait été, je pense que t'aurais pas pu avoir de Oui, mais manière. il aurait pu faire du Snyder et mettre un Robin sans les pouvoirs. Ouais, mais ça aurait pas été non plus cohérent avec l'univers, vu que Robin a des pouvoirs, c'est comme ça qu'il est revenu, donc ça aurait été un peu non plus Ouais, c'est pas sûr. cohérent, quoi. Tu vois, maintenant, Ouais, pour moi, j'aurais trouvé pas la fin cohérente avec un Damien qui aurait été là façon Superman, quoi. Vas-y, Spectre. Non, mais parce que sinon ça va lancer du méga spoil, mais je sais pas si. Mais j'ai un contre-argument en tout cas. Ouais, non, mais vaut mieux pas s'il y en a qui l'ont pas encore lu. Ouais, Parce que là, mais on est. Ouais. en tout cas, Robin, ça aurait été crédible quand même. Je pense qu'il n'y a pas de souci Je là-dessus. sais pas, pour moi, Bon. j'hésite, vu la fin, mais. Vous débattrez hors antenne alors, si les gens ils ont Ouais. pas encore lu. Oui, voilà, nous débattrons hors antenne. Ok, bon, on en a fini, on va passer sur les autres trucs qu'on a fait à côté de ça. Donc, Guillaume, t'as fait quoi? T'as vu des séries? Donc, vas-y, oui. Ah oui, t'as vu Age of Ultron alors, t'as Bah oui, critiqué. je l'ai vu. Alors? Ouais. Bon, Marvel, je suis pas un grand fan, mais j'aime bien, ouais, comme ça et tout. Le film, bah, si je devais le comparer au premier, disons que j'ai préféré le premier quand même. Parce que, je sais pas, c'est. Il y a des trucs que j'ai pas vraiment. Enfin, des trucs qui passent pas, quoi. Des Ouais. trucs qui m'ont bloqué. Je sais pas, genre la relation entre Bruce et. Et comment elle s'appelle, là Black Black Widow. Widow, là. Ouais, Black Widow, franchement, je trouve que ça fonctionne, mais alors pas du tout. Bah, pour moi, c'est un clin d'œil Vous aux l'avez comics vu les dans autres? les. Ouais, pour moi, c'est un clin d'œil dans les comics parce que dans les comics, il n'y a que Black Widow et surtout Spider-Woman qui arrive à calmer Bruce Banner maintenant. Bruce Banner Hulk, pardon. Donc pour moi, c'était plus un clin d'œil comique. Aux comics, pardon, Ouais. pas comics, donc pour moi c'était plus Oui, ça c'est un clin hommage. d'œil, voilà. C'est vrai que leur relation elle était un peu, enfin pas trop utile. Leur relation Oui. hors Hulk Black Widow, hein, je parle de dans la vraie vie où ils pensent chaque fois à s'enfuir ensemble et tout, je trouvais ça un peu bidon perso. Voilà. Non, après, par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est que là, par contre, OK, on le voyait plus. Il s'est un peu plus imposé parce que dans le 1, il était un peu limite effacé, hein. Ouais, bien sûr. Ouais, là maintenant ils ont un peu assumé plus ce personnage, c'est bien. Voilà. Maintenant, ouais, moi j'ai bien aimé. Maintenant, ce que je trouve, c'est que bah, tu vois que Josh Whedon, c'est quand même un peu un scénariste en mousse pour moi parce que tu vois que le mec il a pas d'idée quoi. Quand vous regardez le développement du film du début à la fin, c'est exactement entrecoupé scénaristiquement de la même manière qu'Avengers 1. Donc le gars il a juste fait le même film en fait, mais avec d'autres méchants quoi, je trouve. Et Oui. franchement, Quicksilver et la Sorcière Rouge Oui, alors sont oui, bah totalement justement, eux. sous-évolués quoi. Wanda et Pietro, bah en fait, Pietro, j'ai pas le souvenir d'avoir entendu le son de sa voix parce qu'à chaque fois, il dit jamais une phrase en entier, il dit un ou deux mots, il dit attention, oh désolé, oh je l'ai vu. Oh, tu vois, il est assez transparent en fait, c'est Ouais. impressionnant. Bah, c'est surtout que quand on passe à côté du Pietro de Day of Future Past, qui était Bah limite justement, c'est énorme. ça, si on fait la comparaison, ça n'a rien à voir, c'est le jour et la nuit, hein. Et le gars, bah, les effets spéciaux, déjà, je trouve qu'ils sont un peu moisis pour lui. Et puis le seul Oui. moment où il est comique, c'est quand il vient, il dit faut évacuer, les gens ils veulent pas, il prend un flag, il tire en l'air. Là, j'ai reconnu un peu le Pietro des comics, mais sinon, le gars, rien à voir, quoi. Ouais, très transparent. Puis je sais pas, la sorcière rouge. Oui, je sais pas trop parce qu'il y a un moment, on dirait qu'elle est un peu perdue elle aussi, quoi. Ouais. Bah ouais, Ah c'est mais faut la tuer, elle nous pète les burnes dans les comics depuis des années, Vanda Maximoff, là, insupportable. Même dans le truc, parce que moi ce que j'ai trouvé dommage, c'est que pendant le film dure quoi, 2h20, pendant 2h10, 2h20, ouais. la meuf elle sert à rien, elle est tout, on dirait qu'elle va chialer, elle se met à chialer, se roule en boule Oui, à à chaque tout fois elle fait moment. une tête, on dirait qu'elle va Attends pleurer Guillaume, ou qu'elle va péter un câble ou je sais Guillaume, pas. laisse finir Vinch, vas-y Vinch, Bon, on j'avais parlait pas fini, tous en même temps. j'ai juste dit qu'elle se foutait en boule et qu'elle chialait, donc il pouvait répondre, et maintenant moi je vais rétorquer. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'il a fallu qu'il y ait un événement spécial qui se passe, bon, en fait je peux le spoiler ou pas? Non. Non, j'ai Bon, pas vu encore. ouais, bah ça va. Bon, il se passe un événement spécial et là elle devient badass pendant 5 minutes, tu vois. Mais pendant 2h20, 2h10, la meuf elle sert à rien. Mais sinon, ouais, franchement, je trouve qu'ils en ont tellement fait avec ces deux personnages-là. Et quand tu vois comment Whedon il les utilisait, bah laisse tomber quoi, tu vois. Et sinon, l'humour, il est pas trop pourri, ça va, ça Non, passe enfin, ou... franchement, je trouve que j'ai pas trop vu d'humour, moi, comparé. Oui, C'est moi pas les Gardiens de la aussi. Galaxie, c'est pas. Je trouve que c'était beaucoup plus mature qu'avant. Oui, parce que, Maintenant. excuse-moi, mais le coup du Parlez pas tous en même temps, marteau. s'il vous plaît, sinon on n'entendra rien après. Vas-y, Guillaume. Non, mais je sais pas, le coup du marteau, j'ai moyennement aimé, quoi. Je veux dire, bon, ouais, vas-y, je suis digne de porter le marteau, mais toi, tu Ah l'es ouais, pas. ça. Enfin, moi, pour moi, ça a pas fonctionné. Hein. Ouais, non, c'était. Ouais, c'était. On va dire que c'était le seul moment où il y avait un peu de l'humour. Ils se tapent un délire, ils sont un peu bourrés, tu vois. Ils Oui, se foutent de la voilà. gueule de Thor, ils lui disent, ouais, t'es un mytho et tout, ton marteau, te monte le portail. Alors ils font des concours et tout. Et t'as Captain America qui manque de soulever le marteau, alors Thor, il chie dans son froc 3 secondes. Et puis après, c'est tout, quoi, tu vois. Sinon, t'as Et... la. Niveau de néophyte, c'est vrai que si deux gars qui a jamais lu le comics. Genre la vision, tu vas voir, elle va débarquer. Si tu connais pas dans les comics, tu vas te demander où est-ce qu'ils l'ont chié, le bazar. C'est un peu. C'est pas mal et tout, mais. J'ai bien aimé, mais c'est mieux que ce qui a été fait. Par genre, quand tu me sors Thor et Thor 2, pour moi, c'est même pas des films, faut même pas regarder, c'est de la merde. Maintenant, ouais, c'est mieux que Captain America, le dernier qui est sorti là. Ah ouais, parce que moi, pour moi, le Captain America 2, c'est le meilleur film qu'ils aient fait, quoi. Bah, pour moi, j'ai trouvé ça un peu au-dessus. Maintenant, c'était, il y a un peu moins d'humour, etc. C'est un peu mieux Tony Stark, qui est toujours Tony Stark, il faut toujours qu'il fasse un Bah, peu de ça, son c'est clair. malin. Maintenant, je trouve qu'ils l'ont quand même un peu calmé. Il a moins de temps d'écran qu'avant, je trouve. Tu vois beaucoup plus de Bruce Banner, de Oui. Hulk et de. Sinon, le moment qui était quand même badass aussi, pour moi, c'était le combat Hulk vise Tony Stark. Ouais. Je trouvais que celui-là, ils l'ont quand même bien géré. Mais sinon, Pas le mal, truc que oui. j'ai trouvé un peu chiant, dans le sens omniprésent, j'ai l'impression que c'est un peu une critique, enfin une réponse à toutes les critiques qui ont été faites à Man of Steel, c'est que dans tout le film, ils passent leur temps, quand ils se fightent, à dire faut pas qu'on tue des gens. Donc en fait, genre, ils se battent, c'est à baseball, mais Tony Stark est tombé sur un immeuble, il lâche vite l'immeuble avant, pour pas que les gens râlent qu'il ait détruit un immeuble vide, ils doivent évacuer des gens, on va évacuer les gens, on va évacuer les gens, tu vois. T'as l'impression qu'ils ont tellement vu que Man of Steel s'est fait clasher, parce que Superman, il a tué 2 millions de personnes en 10 minutes, tu vois, qu'ils ont pas envie de se prendre les mêmes critiques, mais en même temps, à la fin, ça devient lourd, parce que ils passent, t'as la moitié du film où ils sauvent des gens, quoi. Et sinon, les scènes d'action, elles sont Ouais, réussies? niveau vues Ouais, spéciaux, ça envoie ça du va. lourd quand même. D'accord. Les effets spéciaux sont mieux que le premier, je trouve. Maintenant, Ultron est sous-utilisé pour moi, Voilà franchement. justement, Ultron, comment qu'est-ce que vous en avez pensé, ouais? Bah, sous-utilisé pour moi, le Oui. Ultron, il n'a pas été assez développé du tout. Et bah, c'est Tony Stark en fait, Ultron, mais en robot quoi. Et en plus, psychopathe. Bah ouais, sous-utilisé, pas assez développé du tout. Le gars, tu comprends pas trop. Enfin, tu comprends ses motivations, mais ça a été trop rapide pour moi. Ouais, non, Ultron, Oui. j'aurais voulu un autre développement que ça pour lui. Plus de Ok, présence oui. pour lui et moins de ces robots qui servent à rien. Ouais, c'est clair, les robots là. Bon, et puis même un seul film, c'était pas, ils ont pas réussi à l'exploiter là comme ça. Ouais. Non, Non. je lui donnerais une note, je lui donnerais 7 sur 10 au film. Ouais, bah à peu près pareil, ouais, 7, ouais, ça me semble correct. Spectra, tu l'as vu ou pas encore? Non, non, je l'ai pas encore vu, Age of Ultron, mais je suis pas spécialement pressé, allez, Bah, moi c'est des, j'ai. je trouve. Ouais. Moi je voulais le voir, je me suis pointé 1 heure avant et en fait tout le monde avait déjà réservé les places, soit aux bornes, soit sur internet. Donc niquez vos morts à tous là, on peut même plus aller voir un film sur un coup de tête quoi. Faut Ouais, c'est réserver clair. à l'avance quoi. Putain, Ah oui, incroyable. et vite fait, la scène post-générique, franchement, inutile. Il y en a une? Ouais non Bah. mais pas la, comme avant, c'est une scène, c'est un clin d'œil en fait, juste à. En Ah, d'accord. fait ils teasent l'Avengers 3 quoi. Ouais, spoilez pas. D'accord. Ça Oh dure non, 3 non, secondes. bon, on va passer. Enfin, c'est Oui, pas un 3 secondes, spoiler. c'est ça, 3 secondes top chrono. C'est pas un spoiler, mais je te le dirai pas, mais c'est pas un spoiler, t'es au courant, en fait, Bon, voilà. tu vois juste le titre du film, en fait. Bon, d'accord. Non, mais je suis d'accord, je suis d'accord. On va passer, bah, du coup, à l'autre série. Bon, là, moi, je vais commencer, là, Daredevil, donc, qui est sorti. Donc, voilà, là... qui c'est qui a fait des bruits bizarres? Et donc, C'est Guillaume. bon, moi, je l'ai vu en 2 jours. Bah, voilà, j'ai surkiffé, les points positifs, je dirais, la réalisation. La ouais, réalisation, tout ce qui est mise en scène, on va dire les chorégraphies, l'ambiance, je trouve que l'ambiance c'est vraiment super. Et après, si je devais dire quelques points négatifs, je dirais que ben, il y a des fois que c'est tellement sombre malheureusement que ben, on n'arrive pas tout à distinguer. Foggy, il m'a fait chier. J'avais l'impression de voir un film du cinéma de Marvel avec toujours des blagues super relou, quoi. Et un autre truc, bon, ça c'est vraiment un petit détail, c'est les combats. Voilà, le moindre trafiquant, il est 9e dan de Jijutsu, donc des fois les combats ils durent un peu longtemps. Mais sinon, globalement, ouais, j'ai trouvé ça vraiment excellent, quoi. Votre avis, vous? Ouais, Ah ouais, franchement, j'ai trouvé ça j'ai kiffé. génial, hein, ça. Bah vas-y, Bien Spectra, commence. déboîté. Vas-y. Ouais, moi j'ai trouvé ça vraiment génial. Là, alors je sais plus dans quel épisode c'est où il va récupérer un gamin, là, l'espèce de plan séquence et tout, là, La où... fin du 2. La fin du 2. Ouais, c'est ça, ouais, quand tu l'entends se bastonner, tout. Enfin, franchement, c'était génial. Allez, minuit. J'ai peut-être le dernier épisode que j'ai le moins apprécié, parce que je Ouais. trouvais qu'il tapait un peu trop de pause à la Arrow, voilà, mais ouais, c'est Un peu vraiment classique aussi pour sur pinailler, quoi. la finalité, c'est un peu classique. Mais sinon, ouais, c'est vraiment énorme. Et toi, Vinch? Ouais, non, moi j'ai surkiffé aussi. J'ai pas regardé aussi rapidement que toi, parce que je regardais avec ma femme et parce que je voulais kiffer le plus possible. Mais ouais, franchement, j'ai dégusté chaque épisode. Puis ce que j'ai vraiment trouvé bien, c'est que pour une fois, on a une série où t'as un développement autant du côté du héros que de l'anti-héros, tu vois. Bien sûr. Parce que souvent, t'as des séries où le méchant, il est juste méchant. Et là, maintenant, tu comprends les motivations, tu vois le personnage. Je trouve que D'Onofrio est excellent. Le seul défaut que je lui donne, c'est qu'à certains moments, sur la plupart des plans, ben, il est trop mélancolique. Je sais pas si t'as ce que t'en as pensé, mais t'as trop l'impression qu'il va se mettre à chialer souvent. Ouais, mais Ça, ça c'est fait. mon Bon, après, avis. je connais pas le personnage, mais justement, c'est bien, ça Ouais. offre de la profondeur au personnage. Ouais, ça donne de la... Mais je trouve qu'à certains moments, il y a certaines séquences où ça n'a peut-être pas trop besoin. Maintenant, c'est vrai que j'ai vraiment kiffé. Mais c'est vrai que ça rejoint pas mal le personnage. D'avant, maintenant j'ai vraiment bien aimé son développement, la manière dont il évolue et tout. Tu prends autant de plaisir à voir le méchant que le gentil, et tu vois vraiment des nuances de gris, tout n'est pas blanc et noir, et sinon, ouais, franchement, les bastons, moi j'ai bien kiffé. C'est vrai qu'à certains moments c'était un peu long, mais je pense que c'est pour donner de la profondeur au combat. Sinon, il y a pas mal de trucs qui sont teasés, tu vois la main, tu vois la maga et tout, enfin, tu la supposes, quoi. Je sais pas si tu connais pas l'univers de Daredevil, tu sais pas, mais genre le mec Ubu là, en rose et rouge, ben ça c'est la main, tu vois, le gars il Ouais, vient de la main. avec La Styx, là. Shintoke, ben c'est la magal, tu vois. T'as pas mal de... Ouais, Styx, c'est ben lui qui combat la main et la maga. Tu vois que c'est toutes des pistes pour la saison 2 qui a déjà été annoncée, officialisée. D'ailleurs, je te l'avais bien dit, tu ne me croyais pas. De Mais quoi? que la saison 2 serait en avril 2016, mais ils vont pas attendre Defender, en fait. Ouais, Defender mais ils l'ont viendra... annoncé avant-hier. Ouais, mais je m'en doutais, vu que la série elle a cartonné, parce que c'est trop court les délais pour Defender... Parce qu'ils Ah. sortent une série, c'est les contrats qu'ils ont avec la plupart de leurs séries. Enfin, soit, mais non, j'ai vraiment kiffé la série. Sinon, ouais, mais je trouve ça bien. 13 épisodes, dans un sens, tu te dis c'est trop court, parce que tellement que tu kiffes, mais en même temps, je préfère que ce soit compressé comme ça plutôt qu'en 24 épisodes, ou Ah dans oui, là ils 10 il vont se à passe, l'essentiel. Hein. ou 10 il se passe rien, là, Ah franchement. oui, bah, c'est les meilleurs formats, 13. Hein. Ils vont à l'essentiel. Ouais, j'ai seulement trop été déçu de la fin de l'avant-dernier épisode avec la mort d'un personnage important qui, pour moi, était un personnage essentiel, mais j'avoue qu'ils ont eu les couilles de le faire et que au moins ils osent la libre interprétation. Donc j'ai franchement, ouais, très bonne série à conseiller à tout le monde. D'ailleurs, je vais me la refaire bientôt tellement que j'ai kiffé. D'ailleurs, il n'y a pas eu de scandale non, sur la mort de ce personnage. Non, mais elle est un peu passée à la trappe, mais... Ouais, c'est bizarre parce Ah, je... y en a, ils font des films réalistes avec un ton sérieux où il n'y a pas des blagues et où le mec où il tue un mec et c'est un scandale. Et t'as des mecs qui font une série réaliste avec un ton sérieux où le mec il tue un mec et il n'y a pas de scandale. Ouais, Ouais. j'étais un peu outré qu'il l'ait buté, ce personnage-là, Là, moi par aussi. contre. Parce que pour moi, j'attendais en fait vraiment qu'il se démarque, parce que pour moi, c'est le mec qui va bouleverser la vie de Matt Murdock à un moment donné, tu vois, et qui va bouleverser la vie de pas mal de personnes d'ailleurs. C'est un personnage central dans pas mal d'intrigues futures, et là, bah, il disparaît, donc j'étais un peu... J'étais sous le choc, mais on va dire que c'est un mal pour un bien, dans le sens où l'histoire est bien développée, quoi. Parce que Ouais. rien que pour Civil War, enfin, ce personnage est super important. Ils Ouais, ont mais franchement, Marvel moi a je dis. récupéré. Vas-y, Spectra, excuse-moi, vas-y. Juste, en fait, ils ont récupéré à moitié Spider-Man. Là, il est aussi important dans la mythologie de Spider-Man. J'ai été, ouais, ça m'a fait. Et franchement, le ton de Daredevil, voir ce personnage-là avec son ambiance, taper des bonnes blagues et tout avec les autres, bah franchement, je pense que ça va faire bizarre à voir ça au cinéma. Maintenant, moi je pense qu'ils vont d'abord faire Defender, voir comment ça colle, et puis je pense plus qu'on les verra dans un genre dans Infinity War partie 2, tu vois. Genre s'il y a une bataille sur la Terre ou quoi, là tu les verras en mode badass, mais je pense pas que tu vas les voir taper des blagues. Mais je trouve qu'ils font moins de blagues qu'avant en Marvel au cinéma, parce qu'à un moment les blagues ça use, quoi. Daredevil, t'es quand même un peu obligé de le voir dans Civil War, hein. J'espère qu'ils vont le mettre dedans, hein. Ouais, Ne serait-ce que mais. pour un petit rôle, hein, mais. Ouais, voilà, mais un petit rôle, mais après, en tant que personnage principal, quand tu vois vraiment toute l'ambiance de la série, c'est tout le temps hyper sombre, quoi. Donc le voir Ouais. là et tout, taper des blagues avec tout le monde, bah, franchement, moi je pense que ça va faire super bizarre, quoi. Après, Ouais, on te maintenant, il y dit a... oui, mais Marvel, c'est bien, il y a plein de tons différents, machin et tout. Mais après, marier tout ça dans un même univers, franchement, ça va être costaud, je pense. Ouais. Ouais. Maintenant, le seul défaut pour moi, c'est encore une fois la VF, où les mecs ont eu l'idée de Oula, mettre la même attention. voix à Tony Stark et à Daredevil, Ouais. sérieux. N'insulte pas Bernard Gabé, s'il te plaît. Ah, je trouve que ça va très bien, je trouve que ça va très bien, mais pour moi, je comprends pas des mecs qui, dans un avenir où c'est calculé qu'ils vont devoir travailler sur le même écran, ils ont mis la même voix au même mec. Alors Ok, je déjà comprends. Je pour comprends, ils ont le info, même physique, tout ça, mais... celui qui double Loki et celui qui double Rocket Raccoon, c'est le même doubleur, hein. Donc Ouais, bon. mais on le verra dans l'ensemble, je pense. Je Ah, pense que tu verras attention, hein. ensemble. Ouais. Je suis pas persuadé qu'on les verra pas ensemble un jour, hein. Voilà, C'est tu pas non vois? plus, mais la Ouais. différence c'est que Rocket Raccoon il parle pas pareil que Loki, alors que là, ben, quand tu regardes Oui. si vous la regardez en VF, vous fermez les yeux, vous avez l'impression d'entendre Tony Stark parler, Bah oui. sauf qu'il fait pas de blague. Bah Alors après, que moi je te Rocket dis, je Raccoon, ça pense m'a que de pas toute choqué, façon. moi. Je Mais pense fais gaffe parce que dans. là tu parles à un pro du doublage là donc. Je pense dans Avengers 8, tu verras Infinity War là, ce sera sûrement que des Defenders, donc que des stricts caractères de Netflix qui ont une ambiance propre. Et si tu mets que entre eux, ben ça collera, mais après je pense que si tu les mélanges à tous, je pense qu'il y en a, y en a qui vont perdre forcément, qui vont Non, perdre au change, quoi. pour moi, Infinity War, ce sera une partie dans l'espace, forcément, une partie sur Terre pour défendre. Donc, à mon avis, tu auras les Defenders qui seront sur Terre, et genre Tony Stark, etc., qui seront dans l'espace, quoi. Donc, pour moi, c'est nécessaire que tu les vois sur Terre. J'espère qu'ils seront intégrés, parce que moi, je trouve ça bidon d'avoir genre Spider-Man qui est là, alors que t'as pas Daredevil, tu vois. Surtout que Daredevil, plusieurs fois, ils énoncent ils font référence à l'attaque de New York par les extraterrestres, toute la reconstruction. Enfin, l'intrigue de base se base là-dessus, Ouais, ça mais c'était même ça l'après. fait bizarre quand ils sortent ça au début, tu sais. Comment dire, quand ils font des références au marteau de Captain America, quand t'es dans l'ambiance de Daredevil, moi je trouve que ça bloque pas, que ça passe pas, quoi, en fait, tu vois. Ça bloque, je trouve. Ça se fait Moi, pas naturellement, je trouve, tu vois. ça ne me dérange pas plus que ça. Maintenant, parce que j'ai l'habitude plus dans les comics et tout. Maintenant, c'est vrai que le film Thor, moi, j'occulte un peu, quoi. Tu vois, j'essaie d'éviter de savoir qu'il existe. Non, mais après, je veux dire, voilà, t'as des personnages comme ça, les mettre tous ensemble, je pense que ça va. C'est comme par exemple Batman dans la Justice League, après, enfin, ça va être un sacré challenge. Bon, à part bon, les films DC, c'est un peu différent et Ils arrivent à le faire dans les BD, ils arriveront bien à le faire au cinéma. c'est un peu plus sérieux. Ouais, mais Batman, généralement, quand il est en groupe, c'est quand même. C'est pareil, lui, il a vraiment une ambiance qui est vraiment propre à lui. Bah, ils ont qu'à l'adapter. Et moi, je vois, genre, je veux Daredevil et les Defenders dans les films Marvel. Maintenant, Luke Cage, il me fait une feinte, je veux bien. Daredevil, il commence à lâcher des feintes, je trouve ça bidon, quoi. Comme Batman, tu me mets Batman dans Justice League, Flash va lui lâcher une blague, je veux bien. Bruce Wayne va le regarder en grognant, je trouve ça normal. Maintenant, Batman, il se met à se faire des feintes comme dans Superman 40 qui est sorti ce mois-ci, bah, je trouvais pas ça normal, tu vois. Et toi, ton avis, donc, Guillaume? T'as kiffé aussi? Oui, non, moi j'ai. Ça va, hein. Ouais, pas plus que ça. Si, si, si, si, c'est. Ah, moi j'ai bien aimé, mais après, je sais que ça m'a fait bizarre, parce que au niveau de la VF, comme on en parlait tout à l'heure, mais. Après, voilà, tu sais. Il y a pire, franchement, il y a pire. Non, mais la série, sinon, t'as aimé ou Oh, pas, la série, sans bah oui, parler j'ai de bien VF, aimé. hein. Non, mais Ouais. j'ai bien aimé la série, oui. D'accord. Ce qu'elle raconte, Ok. c'est. Ok. Bon, bah, vous avez autre chose à rajouter ou on a terminé? Oh bah j'ai lu les derniers numéros de New Avengers et Avengers avant Secret Wars. Ouais. Et Alors. ah, c'était putain d'épique hein, quand même. Les Ouais. deux derniers numéros là, ils sont vraiment bons quoi. Donc du coup, Secret Wars la semaine prochaine. J'ai Vin, tu les hâte. as lus aussi? Non, moi je l'ai en VF Marvel. D'accord. Je sais parce qu'en fait j'adore, j'aime bien Marvel, mais tu vois, je peux pas déconner, je vais pas payer 5$ pour un putain de truc à 20 pages. Genre je les prends à 5€ pour 100 pa 120 pages chez Panini, tu vois. D'accord, ouais, c'est sûr. Ah, malin. Ah, Surtout. ils sont fat en plus, là, les derniers numéros de une pagination supplémentaire, donc ils sont plus chers en plus. Parce que Marvel, tu peux dire ce que tu veux, mais Marvel, ce que je trouve qu'ils abusent, c'est leur prix, quoi. Quand tu vois que tu as des comics de 20 pages ou de 25 pages à 5$, il y a même, je pense, des extra size à 5,99$, le truc, je sais pas, prends la vaseline avec, quoi. Même si c'est épique, ça fait quand même mal au portefeuille, donc Ah, je préfère la non, VF, quoi. t'as un peu plus de pages que ça, hein, quand même. T'as combien? T'as 40 pages, donc pour les 6 dollars. 6$, je sais plus, ouais, voire 50 même. Hein. Ouais, je sais pas, enfin. Moi, je préfère quand même mes 5,60 Mais après, pour oui, 145 ils abusent sur pages. les prix, ouais, non, c'est sûr. Et pourquoi les scans d'ici sur Internet, ils sont plus chers, Vinch? Non, c'est gratuit, ça. Ah. Ah, mais les scans d'ici à la décharge, c'est que je les achète quand ils sortent en VF, tu vois. Ou si j'aime Ouais, vraiment bien, j'achète en VO. tu te fais pardonner, quoi. Ouais, bah, j'achète, donc je vois pas le problème. Maintenant, c'est vraiment pourri, des fois, je teste, tu vois. Il y a des trucs que je teste, j'aime bien, j'achète. J'aime pas, bah, j'achète pas. Parce que maintenant, à l'époque, j'achetais encore. Maintenant, quand tu vois le prix, l'euro dollar, il y a les magasins de comics, ils prennent des trucs 1 $ pour 1,50 €. Les gars, ils fument du shit en prime, tu vois. Ah, c'est sûr. Ouais, les gars, ça devient des fous, tu vois. Donc, moi, je teste avant d'acheter. Sinon, ouais, j'achète tout en VF. Alors, genre Green Lantern, j'achète en VO maintenant. Parce que Urban, ils m'ont fait chier, alors ils peuvent pas se faire foutre. Ouais. Bon ben on en a fini je crois. Hein. Ah ouais ben il y a le FCBD aujourd'hui donc si vous Même en l'écoutez. Belgique, on le recevra dans 3 semaines, merci. Ah mais t'as qu'à pas habiter en Belgique toi aussi hein. Ouais, c'est ça. On peut pas tout avoir. On peut pas tout avoir, on habite dans un pays génial après. Non mais ils vont vraiment arriver en Belgique, dis-moi. Parce que moi je vais y aller là maintenant, je vais essayer de voir un peu là. Et tu vas Ouais, les avoir sur tous. ça vient en Belgique, sauf que nous on est livré. En fait, c'est simplement que nous, le fournisseur, il pourrait venir tous les jours, mais ça le fait chier de se déplacer, alors il livre 2 fois par mois, tu vois. Mais donc, Donc. en allant à ta librairie, tu les auras. Moi, je les aurai, il les réserve, tu vois, il les reçoit dans une semaine ou deux et il les met de côté, quoi. D'accord, ah bah ça va là. Moi je vais essayer d'aller pécho les futurs N0 là. Ouais, Eh ben voilà. moi c'était grillé, c'était le Free Comic Book Day ou le podcast. Ah ben moi je vais réussir à faire les deux. Hein. Je vais caler direct là. J'avais déjà eu le free. En fait, j'ai déjà eu le Free Comic Book Day l'année passée, vu que Urban a recopié celui de DC. Et DC, je l'avais eu l'année passée, donc Ah ouais, pour. d'accord. Si je le reçois en VF, je le prends, mais de toute façon, je compterai quand même acheter en VF Future Ends en librairie, moi. Il y a le FCBD US aussi, hein. Il y a Divergence là qui sort Ouais, bah, qui juste, mais sort ça, bien. ça, je Bah ouais, mais le du coup, prends. je devais les avoir, mais ça, je vais les louper. Oula! Divergence. Et toi, Guillaume, tu veux aller faire un tour à la librairie ou c'est déjà fait? Oh, moi, c'est déjà fait. Enfin, ouais. T'as eu quoi alors? Donc, pour ce mois-ci, là, ou. Non, aujourd'hui, les comics gratuits. Non, ça, non, j'ai pas vu aujourd'hui, là. Hein, parce qu'on parlait d'aujourd'hui en fait, c'est le Free Comic Book Day. T'as pas entendu parler? Si, vite fait, mais bon. Ok, bon ben je crois qu'on a fini les gars, donc ben merci à tous et rendez-vous le mois prochain là même. Il a dit c'est la Star Wars Day. On s'en branle de Star Wars. Allez, Ouais. salut à tous, à bientôt. Allez, salut, hey, salut. tchao, que la force soit avec vous.